Donc, on a une émission un peu spéciale aujourd'hui, puis pour à peu près les 4 prochaines émissions, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait à Epistemia. On fait une table ronde, on a plein de monde, c'est excitant. On va parler de jeux vidéo et de jeux vidéo dans un contexte vraiment particulier. On a plein de gens que je vais juste vous présenter à l'instant. On a Carl Terrien qui était déjà venu à l'émission, qui travaille sur l'histoire du jeu vidéo. Salut Carl. Bonjour Gabriel, bonjour tout le monde. On a Laurie qui travaille sur le rôle de l'identité dans les jeux vidéo, particulièrement les jeux vidéo automés. Bonjour. On a Fabienne qui travaille sur le visual novel et qui a un intérêt particulier pour les PNJ, les personnages non-joueurs. Salut Fabienne. Bonjour, enchantée. Et on a Samuel qui travaille sur les traumas dans les jeux vidéo d'horreur et les théories queer. Salut tout le monde. C'est bon. Fait qu'on va parler aujourd'hui de jeux vidéo qui représentent des désirs autres que ceux masculins, des désirs autres que androcentrés, qui est un mot que j'ai découvert quand j'ai parlé avec Carl, que je trouve assez intéressant d'ailleurs. Et on va parler un peu de pourquoi on a besoin de parler de ces jeux-là, d'où est-ce que ça provient et pourquoi c'est important. Carl, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, pourquoi on vient vous parler de désirs alternatifs, de désirs autres que masculins, hétérosexuels dans les jeux vidéo aujourd'hui? Ben, parce que ça existe. C'est aussi simple que ça, en fait. Et on a tendance à l'oublier. Quand je dis « on », je veux dire certains joueurs qui prennent beaucoup de place dans l'imaginaire de la culture vidéoludique. Et c'est bien correct, je veux dire, les hommes hétérosexuels ont le droit d'avoir des désirs aussi, puis c'est beau le désir des hommes hétérosexuels, je suis pas du tout là pour remettre ça en question. Mais y a des tendances un peu inquiétantes dans la culture vidéoludique, c'est pas nouveau, ça fait une dizaine d'années qu'il y a une montée, disons, de qu'on pourrait appeler une droite réactionnaire, une droite décomplexée, qui a vraiment l'impression que, mon Dieu, les féministes puis les queers sont tous en train de changer leur belle culture vidéoludique, puis que c'est donc dramatique, puis qu'ils vont se faire remplacer. Et mon Dieu, ils pourraient peut-être avoir un personnage bisexuel dans un de leurs jeux, puis qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, Gabriel, quand ils vont être en contact avec un PNJ bisexuel ou queer, ou pire encore, féministe, je ne sais pas, tu sais. Donc, il y a beaucoup de fragilité. Et on est là aujourd'hui pour rassurer tout le monde, pour dire que vous n'avez pas à vous inquiéter de vous faire remplacer, parce que les gens queer et les désirs alternatifs ont toujours été avec vous autres. Vous le saviez juste pas. Vous regardiez pas trop dans cette direction-là. C'est pas grave, mais on est en train de découvrir, en fait, qu'il y avait probablement une présence de contenu alternatif et de joueurs, ça c'est sûr, de joueurs, de joueuses, de gens non-binaires, de gens queer qui jouaient aux jeux vidéo. Et on pensait que ça existait pas, ces jeux-là et ces joueurs-là, mais on est en train de découvrir, en fait, que oui, ils ont effectivement toujours été là. Donc voilà, ce serait la réponse la plus directe. Et en passant, androcentré, c'est un mot qui est peut-être un peu moins connu que phallocentré. Vous pouvez utiliser les deux alternativement. Mais oui, donc voilà, c'est l'idée tout simplement que c'est centré sur une personne de genre masculin. Voilà, il y a plein d'autres choses et c'est pour ça qu'on est ici avec vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de tous ces désirs autres. Et malheureusement pour nous, on va découvrir à travers l'exposé, de la présentation de Laurie, que même le désir féminin hétérosexuel dans cette culture-là peut être considéré comme un désir alternatif. C'est comme si le désir d'une grande majorité de femmes a été marginalisé. Parce que oui, on a construit, les jeux les plus populaires ont été construits avec un public cible très précis en tête. Et c'est fou de penser finalement, parce qu'on le sait, ça fait longtemps que la moitié des joueurs sont des joueuses, et qu'une bonne partie de ces joueuses sont hétéros, et donc c'est surprenant de voir que ces désirs-là ne sont pas plus présents dans les jeux vidéo. Laurie va pouvoir nous parler d'un genre très spécifique qui aborde ces désirs-là. Donc c'est la réponse la plus simple et directe. Je peux développer, si tu veux, Gabriel. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu plus de cette horde réactionnaire de trolls belliqueux sur les internets? Oui. J'avais l'intention de poser comme quelques questions, parce que j'en ai parlé un peu avec Dominique Arsenault, un professeur à l'UDM en scénarisation de jeux vidéo, si je ne me trompe pas. Dans le même département, donc au département d'histoire de l'art d'études cinématographiques, dans la section cinéma et jeux vidéo, dans les programmes de jeux vidéo. C'est un peu compliqué, là. Ouais, c'est... C'est comme un arrangement institutionnel improbable, mais qu'on est très choyé d'avoir co-construit. On est une des rares universités qui a autant développé de programmes de jeux vidéo, et donc ça se passe au département Histoire de l'art et cinéma. Ouais, puis c'est très gros axé sur la théorie, ce qui est comme d'ailleurs un peu la spécialité de l'UDM en général, c'est plus théorique. Oui, mais le programme de majeur qu'on a ouvert il y a 2 ans intègre plus de 60% de cours de pratique quand même. Donc, on sait très bien que les étudiants, un peu comme en cinéma à l'UDM, les étudiants veulent des cours histoire, pratique, esthétique, histoire, théorie et esthétique, mais ils veulent aussi dynamiser tout ça dans le cadre d'une pratique pour une partie des étudiants, tout au moins. Et donc, comme plusieurs autres universités, on offre vraiment des cours de pratique à ce stade-ci. Cool. Ben, ça fait que j'avais parlé avec Dominique de peu l'histoire de on avait parlé du Nintendo, puis pourquoi le Super Nintendo, c'est un peu moche comme console, c'est très controversé comme opinion. Et aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'on a parlé de un peu comment les jeux vidéo sont placés culturellement. Donc avant la Nintendo, c'était quelque chose que t'avais vu comme une activité familiale, tout le monde était autour de ça, comme bien sûr le père, mais les enfants aussi. Puis avec l'arrivée du Nintendo, Nintendo a comme si commencé à cibler les petits garçons, spécifiquement. Puis la thèse que j'avais, c'est que ça avait comme beaucoup influencé la culture, puis que ce ciblage-là avait eu des répercussions jusqu'à présent. Et dans les événements regrettables qui ont eu lieu au cours des années 2010. Tout à fait, et c'est donc un peu délicat comme sujet, puis je veux pas faire des simplifications à outrance, là. C'est-à-dire que le but de ma démarche, et des gens qui sont avec nous aujourd'hui, c'est de pouvoir dire, c'est pas vrai que la culture ludique c'est juste toxique, puis qu'il y a plein de problématiques qu'on a vu exploser autour de ce qu'on appelle le Gamergate. C'est malheureusement en train de devenir une image trop commune parce qu'il y a eu d'autres scandales, mais on est là justement pour montrer que c'est une culture qui a toujours été diversifiée, accueillante. Il y a toujours une variété de joueurs qui se sont intéressés à cette culture-là, qui ont voulu en faire partie. Donc, ceci étant dit, ça c'est le premier bémol, on n'est pas là pour dénoncer la culture du jeu vidéo, on est là pour dire qu'elle est mal représentée et on la connaît encore trop mal. En ce qui me concerne, on connaît très mal son histoire. T'as mentionné donc l'aspect du ciblage publicitaire. En ce qui me concerne, c'est vraiment le drame de cette industrie-là, c'est que dans les années 50-60, le média informatique, vous savez, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas eu le choix de présenter ça comme quelque chose qui pouvait intéresser les femmes aussi, parce qu'il fallait amener les femmes travailler dans ces étages de ressources informatiques, des gros ordinateurs qui prenaient l'étage au complet. Il y a beaucoup de femmes qui étaient ingénieures informatiques à cette époque-là. On avait envoyé les hommes au front en partie, donc on avait besoin de main-d'œuvre. Et à ce moment-là, au tout début finalement de l'explosion du média informatique et après vidéoludique, ça s'adressait un peu à tout le monde finalement. Il y avait personne pour planter son drapeau pour dire je suis le roi de la montagne, puis c'est ma culture, ça m'appartient. L'erreur, je pense, qui est arrivée, c'est pas seulement Nintendo. Il y a un paquet de compagnies en arcade là avant que Nintendo soit la compagnie majeure du marché japonais. Ils se sont dit on va reproduire un peu des ciblages publicitaires qui fonctionnent bien, notamment au cinéma. Et donc, on a vu ce qu'on appelle des tropes, là, des espèces de lieux communs de la culture émerger autour, par exemple, de la demoiselle en détresse. Plusieurs jeux d'action reproduisaient, tu sais, l'époque de la remasculinisation d'Hollywood, ce qu'on appelle la remasculinisation au courant des années 80 avec les films de Sylvester Stallone, Schwarzenegger. C'est ça qui a inspiré beaucoup, beaucoup des jeux d'action en arcade à l'époque. Donc, Nintendo a fini par embarquer là-dedans, mais c'est pas Nintendo qui est responsable de ça. Dans nos cultures en général, il y a un paquet de produits qui s'adressent typiquement, je vais essayer de le dire en termes les plus neutres possibles, qui s'adressent typiquement à ceux qui ont de l'argent à investir dans du divertissement un peu plus que les autres. Et donc, le public masculin devient souvent intéressant à cibler parce qu'ils ont de l'argent de poche à investir, soit parce qu'ils ont des revenus plus élevés ou plein d'autres questions, là, mais... C'est cette idée que finalement, c'est toujours rentable de miser sur un certain public hétérosexuel masculin. Et là, on voit émerger, bien sûr, ce qu'on appelle au cinéma le male gaze, c'est-à-dire que dans la période classique hollywoodienne et bien au-delà, le désir qui est représenté à l'écran, c'est un désir hétéronormatif et androcentré. Donc, pour le dire en termes universitaires, mais pour le dire simplement, ça s'adresse à ce qui a été trop longtemps considéré comme l'étalon de mesure, la normalité, la référence de base, l'homme hétérosexuel. Et donc, c'est pas pour rien que des grandes stars hollywoodiennes sont choisies entre 16 et 35 ans parce qu'elles sont désirables, qu'elles paraissent bien à l'écran, qu'elles ont des formes qui correspondent aux désirs de l'époque. Le jeu vidéo n'est pas responsable de la remasculinisation du média informatique. C'était une culture globale qui existait bien au-delà du jeu vidéo. Mais oui, à partir du moment où on va miser sur ce public cible-là, une partie de ce public cible-là, je suis pas en train de dire tous les hommes hétéros sont toxiques puis ils veulent s'approprier la culture, mais une partie de ce public-là va s'imaginer que ça a toujours été sa résidence, son lieu culturel, son lieu pour se retrouver dans l'entre-soi du désir hétéro-masculin. Et là, vous me dites, ouais, mais les jeux cartes, c'est pas des jeux de séduction, fait que c'est des jeux d'action, c'est des jeux où il y a des conflits armés, c'est des jeux militaires, c'est pour ça que j'étais venu te parler il y a quelque temps, Gabriel. Oui, mais c'est surprenant de voir à quel point la récompense dans les jeux militaires, c'est souvent une demoiselle en détresse. Et dans mon livre, c'est ce que j'aborde aussi, il y a comme toujours une connotation de gratification sexuelle. S'il y a une belle jeune femme plantureuse, super désirable, comme demoiselle en détresse, c'est parce que ça éveille une motivation en partie sexuelle. Il y a quelque chose de l'ordre du désir, même si 95% du jeu n'a rien à voir avec une représentation du désir, contrairement aux jeux dont on va vous parler aujourd'hui, des jeux qu'on appelle des visual novels ou des otome ou des bishojo games, qui eux représentent directement le désir amoureux et sexuel. Les jeux que j'évoque en ce moment-ci sont pas des jeux sexuels, mais la dimension sexuelle et le ciblage vers des hommes hétérosexuels est comme implicite. C'est comme une composante implicite. Et il y a des développeurs japonais de l'époque qui disaient « Ouais, c'est comme c'est une composante essentielle à mettre dans ton jeu. C'est comme attendu qu'il y ait une demoiselle en détresse. » Ça a été étudié d'ailleurs par plein de chercheurs, peut-être que Samuel, Laurie ou Fabienne en ont en tête, mais oui, à vue de nez, il y a des gens comme Anne McDevitt qui a publié récemment un livre sur l'histoire de l'époque classique du jeu vidéo, il y a Beau Robert, il y a plein de gens qui ont travaillé sur la question de la demoiselle en détresse, Maud Bonenfant, Gabriel Trépanier-Jobin ici à l'UQAM. Donc, on n'est pas ici pour révolutionner quoi que ce soit. Ce travail-là de repérer cette constante-là a déjà été fait et très bien documenté à ce stade-ci. Ouais, c'est quelque chose qui est assez pervasif, je sais pas si ça se dit en français... cette idée-là. Omniprésent, ouais, je pense que ça doit être un anglicisme, mais je l'ai déjà entendu en France aussi. Ouais, c'est très omniprésent. Et là, aujourd'hui, peut-être que ça l'est moins parce qu'il y a un foisonnement de la production vidéoludique dans toutes les directions. C'est la bonne nouvelle aussi. Ouais, il y a eu une démocratisation des moyens qui a fait en sorte qu'il y a comme beaucoup plus de personnes qui ont pu se représenter dans ce domaine-là, dans ce média-là. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour dire, moi je le vois beaucoup, ce phallocentrisme-là, j'ai étudié en cinéma, je regarde beaucoup de films, puis c'est choquant des fois à quel point même le cinéma indépendant américain, ce que j'appelle le cinéma Sundance, tu vas parler souvent de jeunes hommes, genre de comme mettre en scène des comme guerriers poètes, puis leur récompense à la fin pour comme avoir trouvé leur chemin, ben c'est... Ils ont une chicks. Ils sont comme, hey, voici, voilà ta blonde maintenant que t'as réussi à trouver ton chemin dans la vie. C'est vraiment éculé comme formule. David Bordwell, dans ses études de l'histoire du cinéma, dit que dans le scénario classique hollywoodien, donc depuis les années 20, 30, 40, il y a deux arcs narratifs principaux dans n'importe quel genre, que ce soit les films policiers, les films de science-fiction, les films d'horreur, les films catastrophes. Deux arcs narratifs, l'arc principal qui est lié au genre, donc une enquête policière par exemple, et un narratif amoureux. Et oui, on peut dire que sans doute qu'il y a des femmes qui se projettent dans le désir hétérosexuel représenté dans ces films-là, mais globalement, le regard qui désire, c'est beaucoup plus campé dans le personnage masculin. Et donc, tu vois, oui, même dans les phénomènes de cinéma alternatif, dans le cinéma indépendant, à Sundance, oui, tu vas retrouver, bien sûr, cette idée que c'est le désir masculin qui est représenté plus clairement. Et la raison est fort simple, c'est qu'à ce jour, malgré des années de vouloir sensibiliser la culture cinématographique au fait qu'elle n'est pas très diversifiée, à Hollywood, il y a 95% des gens qui réalisent des films qui sont des hommes. Et donc, on peut pas, quelque part, c'est même pas une accusation, c'est juste, tout le monde représente la réalité qui l'incarne, qui le connaît le mieux. Et c'est pour ça qu'une des solutions majeures dans toutes les industries culturelles, une solution majeure face à ça, ça sera toujours d'amener plus de créateurs de différents horizons autour de la table au moment de prévoir les choses. Et encore une fois, pour amener ça aux jeux vidéo, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a des traces très concrètes dans la culture vidéoludique que il y avait peut-être, dès les années 80, cette variété-là de créateurs était peut-être déjà là à travers ce genre méconnu qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Et qui est tellement méconnu et un peu ambigu qu'on n'a pas encore le terme parfait pour vous en parler. C'est Laurie qui va pouvoir vous entretenir de ça. On appelle ça « visual novel ». C'est en train de devenir une étiquette générique connue. Il y a des jeux sur Steam qui sont vendus avec cette étiquette-là. Mais historiquement, c'était pas nommé comme ça. Et ça fait partie de l'espèce de zone d'ombre historique. Le point d'origine est très flou, mais récemment, on a découvert qu'il y avait une base de données où il y a 30 000 jeux de ce type-là qui sont documentés, en fait, qui sont sous-documentés. On a 30 000 titres, et il y en a dans les années 80 déjà, et on pensait que c'était juste des jeux qui s'adressaient au même regard, au même désir hétérosexuel, masculin. Au Japon, on les appelle des bishojo games, et Laurie, corrige-moi si je me trompe. En fait, bishojo et otome, ça désigne le public cible, c'est ça, Laurie? Principalement, oui. Donc, bishojo, c'est beautiful girl games, et le terme est comme un signal à un public de jeunes otaku hétérosexuels. C'est ça qui est quand même un peu particulier, parce qu'avec le terme bishojo, on te mentionne que un peu l'objectif sera de conquérir une belle femme. Tandis que le terme « otome » réfère plutôt à « jeune femme ». « Jeune femme » dans le sens « non mariée ». Et dans ce cas-là, ça s'adresse à des femmes. Plutôt que d'utiliser le terme « bishonen » pour leur montrer « hey, vous allez pouvoir aussi romancer ou draguer des beaux hommes ». C'est comme « non, on utilise un terme différent ». Et souvent, les étiquettes génériques au Japon, Laurie pourra nous entretenir de ça bien mieux que moi, mais les étiquettes fonctionnent vraiment avec quoi des... On cible très directement le public à travers les étiquettes génériques, et donc la culture qui est centrée sur l'otaku masculin hétéro, c'est la culture shonen. Je pense que c'est globalement comme ça qu'on appelle le public cible. Les bishojo games s'adressent au public shonen, mais là on a découvert sur cette base de données-là qui s'appelle Visual Novel Database, qu'il y a, dès les années 90, il y a des jeux qui intègrent des scénarios bisexuels et homosexuels. Et donc, au Japon, on appelle ça globalement, beaucoup, c'est les bishojo games qui ont pris la part du lion de cette image, de ce genre vidéoludique-là, au point où on les appelait carrément des bishojo games, mais des jeux qui ont le même système interactif, souvent dans la séduction, parfois c'est juste le fait de d'écouter un personnage ou de dialoguer avec un personnage, et parfois c'est dans la séduction, dans le dating simulator. Mais bref, on s'est rendu compte que il y avait des jeux où c'est pas juste des jolies jeunes femmes qui sont les objets de désir, qu'il y a des jeux qui intègrent des scénarios à la fois des hommes à séduire et des femmes à séduire, et des jeux dans les années 90 qui représentent des scénarios homosexuels. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on n'avait même pas les étiquettes génériques qui nous permettent de bien documenter cette culture-là, parce qu'elles étaient déjà ciblées vers un public précis. Et pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui? J'anticipe ta question, Gabriel, je m'excuse. Est-ce que tu veux la poser? Non, mais tu peux finir jusqu'à ce que t'avais à dire. Ben, ça relie tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est il y a un mouvement réactionnaire au point où une de mes deux collègues, Mia Consalvo et Christopher Paul, ont écrit en 2019 un bouquin qui s'appelle Real Games: What's Legitimate and What's Not in Contemporary Video Games, où ils parlent justement de cette tendance-là d'une partie des joueurs, une faction des joueurs qui est très territoriale et qui veut dire non, attendez, les jeux vidéo, ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été des féministes qui font de la politique ou des queers qui représentent leurs désirs. Et donc, ça vraiment, depuis 10 ans, ça a explosé cette tendance-là de vouloir dominer un territoire culturel. Hein, c'est vraiment un exercice j'appelle ça de la colonisation symbolique, là. C'est comme, on veut remasculiniser un média parce qu'on pensait qu'il était toujours destiné à des hommes hétérosexuels de toute façon, et à un certain goût, à un certain public cible. Et on est là aujourd'hui pour vous dire que, ben, on le sait pas, en fait, parce qu'on a 30 000 jeux qui semblent indiquer le contraire, mais que personne, ou que très peu de gens, que pas assez de chercheurs se sont donné la peine d'inspecter. Dans toutes les histoires du jeu vidéo, le visual novel, c'est une note de bas de page. Et quand j'ai écrit mon livre, c'est là où j'ai découvert, en fait, qu'il y en avait plusieurs sur la plateforme que j'étudiais en 1990, au tournant des années 90, la TurboGrafx-16/PC Engine. J'ai découvert sur 700 jeux, il y en avait 50 qui s'appelaient des digital comics. Le terme visual novel n'existait pas à cette époque-là, et au Japon, de toute façon, même quand il a existé, il n'était pas très utilisé. Mais donc, 50 sur 700, ça en fait un genre majeur de la plateforme. Et quand j'ai découvert ces jeux-là, c'est intéressant. Ils sont vraiment pas valorisés par la communauté. Vous pouvez les acheter pour 5 ou 6 $ sur eBay, ce qui est très, très, très, très peu cher considérant le prix du jeu rétro aujourd'hui. Et la raison, c'est que c'est pas des real games. Et c'est pour ça que l'ouvrage de mes collègues s'appelle Real Games. Ce sont des jeux impurs, ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Donc, les 50 jeux qu'on appelait des digital comics sur ma plateforme de prédilection sont des jeux qui sont considérés impurs ou pas assez ludiques. Hein, le défi ludique ne correspond pas aux attentes de certains joueurs au niveau de à quel point tu dois développer des compétences stratégiques ou de la coordination, etc. Et c'est pour ça qu'ils vont rapidement être bafoués, parce qu'ils sont vus comme... Tu peux pas prouver ta supériorité facilement avec des jeux de ce type-là. C'est aussi très près de la littérature à certains égards. Donc, ouais, il y en a qui considèrent justement que c'est impur. C'est pas les genres les plus vidéoludiques qui existent. Mais encore une fois, l'argument principal, c'est s'il y en a 30 000 dans l'histoire du jeu vidéo, ça veut dire qu'il y en a au moins autant que les first-person shooters. Il y en a au moins autant que tous les autres genres hyper populaires chez les gamers. La triste réalité, c'est que les 50 jeux que j'ai découverts et les 30 000 jeux qui sont documentés sur la Visual Novel Database sont une note de bas de page dans l'histoire du jeu vidéo, parce qu'il n'y a jamais personne qui a une voix assez forte pour valoriser ce corpus-là, pour qu'on l'étudie dans son plein potentiel. Et les trois personnes qui sont avec moi aujourd'hui ont beaucoup de bonnes pistes pour vous démontrer non seulement que c'est un genre intéressant pour le désir queer ou le désir alternatif, c'est un genre intéressant au niveau ludique, au niveau de la jouabilité. C'est en fait probablement un des genres les plus intéressants au niveau du potentiel de jouabilité. Et je vais pas anticiper ce que mes collègues vont dire. Donc, mais voilà, c'est important parce qu'on finalement on est en train de dire ceux qui prétendent posséder ce territoire culturel là sont des imposteurs qui ne connaissent absolument pas l'histoire du média qu'ils prétendent représenter. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que ben là, je comprends un peu pourquoi tu disais dans nos communications pourquoi c'était important qu'on ait cette conversation-là. Parce que tu as d'ailleurs mentionné que c'est pas quelque chose qui est valorisé règle générale par la culture vidéoludique puis par beaucoup de personnes qui en font l'historique. Juste parler d'un petit détail que tu as mentionné, tu as parlé que c'était comme plus près de la littérature, en quelque sorte. Moi, je pense... Moi, j'ai une théorie, une thèse sur les jeux vidéo. T'sais, les gens, ils disent « Ah, les jeux vidéo, c'est comme un peu le... C'est comme le cinéma, ça se rapproche du cinéma. » Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'autre. Puis ça a plus en lien avec la littérature, justement. Puis pas juste nécessairement à cause que il y a des jeux qui sont à base textuelle. Mais aussi parce que tu peux prendre ton temps avec un jeu vidéo... Puis il y a beaucoup de matériel comme qui sont même dans les jeux vidéo d'action, tu sais, ben les Souls games comme Elden Ring qui vient de sortir tout récemment. Tu sais, il y a beaucoup de lectures que tu peux faire dans ces jeux-là, puis il y a beaucoup d'informations qui t'est données. Ceci dit, quand on parle des 30 000 jeux vidéo qui sont dans la base de données, t'as mentionné la TurboGrafx-16, ce que je trouve surprenant. Mon frère en avait une. Ce qui est, moi, quand on me dit des jeux vidéo comme ça, qui datent des années 80, moi, je pense à des jeux à base textuelle. Comme spécifiquement, comme peut-être un écran, genre, puis t'as du texte vert dessus. Fait que je sais pas, tu sais, s'il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont comme historiquement, comme à base textuelle. Donc, c'est intéressant. En fait, les jeux textuels étaient un des genres les plus populaires. Hein. On en vendait des millions dans les premières... la première décennie de la commercialisation du jeu vidéo. Donc, à l'arrivée des ordinateurs personnels, pas les consoles, hein, l'Atari 2600 pouvait pas, avait pas assez de mémoire pour emmagasiner les jeux textuels, mais Apple II et les autres ordinateurs qui ont suivi, c'était un des genres les plus populaires, parce que notamment, il y avait une complexité de l'univers représenté. Return to Zork, les aventures de Zork, donc The Great Underground Empire. Ça a vendu, Infocom a vendu des millions de copies, il y a eu des dizaines de jeux textuels. Donc c'était un jumelage littérature et interactivité, jouabilité qui marchait très très bien. C'était souvent des jeux de puzzle. Et c'est là la distinction importante à faire avec les jeux qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Pourquoi ils sont vus comme des jeux impurs ou pas assez ludiques par une communauté de joueurs un peu, toxique, c'est que la jouabilité d'un jeu comme Zork nécessite de la résolution d'énigmes. Hein, donc, t'as un réseau de cavernes que t'explores, t'as des objets, t'as des personnages, tu dois trouver quel objet utiliser à quel moment, dans quel contexte, avec quel personnage, etc. Et souvent, c'est tellement compliqué que t'as besoin d'un walkthrough. Un visual novel, c'est un... Comme les walking simulators, c'est un genre qui suscite une attitude ludique un peu différente que dans le cadre de mes recherches, on appelle l'actualisation. Mais comme mes collègues vont le présenter, il y a beaucoup plus à la jouabilité de ces jeux-là que juste actualiser un contenu. Mais un joueur qui veut traverser une œuvre comme les Digital Comics sur la PC Engine TurboGrafx-16, peut essayer de cliquer des options, puis il va finir par progresser assez facilement. Il va pas jouir au maximum de ce que l'œuvre a à offrir s'il la parcourt strictement en mode actualisation, mais c'est possible de vagabonder, appelons ça du vagabondage. Dans un jeu d'aventure textuelle Infocom, c'est impossible. Tu dois faire de la résolution d'énigmes pour progresser. Donc, c'est vraiment deux modes de performance ludique différents. Je vais faire un parallèle pour répondre à ta question entre les liens littérature, jeux vidéo et cinéma. Il y a un très bon comparatif à faire avec le Walking Simulator, ou comme un de mes étudiants qui a fait un mémoire sur le sujet les appelle, le simule-marcheur. Très très jolie expression. Très beau mot. De Mika Talbot. Donc, le terme simule-marcheur, à l'origine, c'est un terme péjoratif qui émerge justement chez les vrais gamers. Et d'ailleurs, c'est au centre, hein, c'est la prémisse de l'ouvrage Real Games que j'ai mentionné, c'est, appelons ça le backlash contre le Walking Simulator. Parce qu'il y a des joueurs qui disent, ben c'est pas des vrais jeux, c'est de la bouette, tu veux juste traverser un environnement 3D. Et là, le parallèle est moins avec la littérature qu'avec le cinéma, justement. C'est très contemplatif, c'est comme si tu étais dans un long plan séquence, puis tu naviguais un environnement qui a été modélisé avec beaucoup de finesse et de précision. Et oui, il y a des segments souvent de dialogue ou des personnages qui entrent en action. Donc, ce genre-là a été vraiment décrié au départ par des fans de first-person shooter et réapproprié par des fans qui disent « Non, il y a un genre de jouabilité vraiment intéressant dans le Walking Simulator, dans le simulateur de marche. » Les jeux dont on vous parle aujourd'hui, certains ont commencé à utiliser l'étiquette de « Talking Simulator ». Et dans les deux cas, le mode de performance ludique est très flexible et donc se rapporte à ce qu'on a appelé l'actualisation, c'est-à-dire que dans un simulateur de conversation comme Coffee Talk est un des succès récents international qui a vendu des millions de copies, qui correspond à ce qu'on a appelé le visual novel. Eux, sur Steam, ils se définissent comme un talking simulator. Et le talking simulator et le walking simulator peuvent être traversés de manière assez facile en vagabondant, ce qui fait que les vrais gamers ne peuvent pas entrer en compétition pour déterminer c'est qui le meilleur marcheur ou c'est qui que le meilleur talent de conversation. Et pour certains gamers, c'est vraiment difficile de ne pas pouvoir se comparer et de pouvoir gravir les échelons vers le numéro 1 du tableau des high scores. Parce qu'ils ont connu ça toute leur vie. Pour eux, c'est ça le gaming, c'est de pouvoir compétitionner. Hein. C'est le mode agonistique qui est central dans la culture ludique et vidéoludique. Mais c'est pas le seul mode de performance ludique. On a des collègues à l'Université de Montréal, Hugo Montembeau et Maxime Deslongchamps, qui ont fait une série de podcasts sur le Walking Simulator. Et eux ont analysé la jouabilité en termes de... Ils appellent ça, c'est comme un « Où est Charlie? Hein, » t'es dans un environnement 3D, puis il faut que tu trouves le « Charlie », entre guillemets, il faut que tu trouves le spot qui va permettre de progresser et d'apprécier la complexité narrative et de cheminer dans l'œuvre. Les Talking Simulators, c'est souvent aussi beaucoup centré sur le fait de trouver l'élément qui va être le plus utile pour progresser, pour comprendre l'histoire, pour comprendre un personnage... et pour comprendre parfois le désir des personnages. Et là, je vais pas prendre trop de place, je pense que j'ai déjà répondu à plusieurs des questions de base pour mettre la table aujourd'hui. Mais oui, il faudrait qu'on... Je pense que là, on doit parler de ces fameux désirs alternatifs, de qu'est-ce que ce genre-là nous permet de représenter qu'on retrouve pas dans les autres jeux vidéo. Et encore une fois, j'insiste en terminant, il y en a 30 000. On est au début de notre enquête scientifique sur un genre méconnu. Dieu merci, il y a de plus en plus de chercheurs qui font ce travail-là et on a la chance d'en avoir trois avec nous aujourd'hui. Ah, pour vrai, je suis quand même assez excité que c'est quelque chose qui est en développement présentement, puis on va en savoir plus, autant aujourd'hui, très bientôt, mais aussi à l'avenir. Moi, je le mentionne souvent, moi j'arrive ici un peu comme un touriste, je sais pas exactement de quoi on parle, mais j'aime ça comme la découverte de quelque chose que moi je trouve souvent beau. Pour plusieurs raisons, puis on va parler de certaines de ces choses-là. Ben, très bientôt. Justement, j'ai mentionné que le désir masculin hétérosexuel, c'est beau. Mais le désir féminin hétérosexuel aussi, c'est beau. Et ça donne qu'on a quelqu'un qui est là aujourd'hui puis qui a fait un mémoire de maîtrise pour parler de cette question-là. Ben, merci, Carl, d'avoir mis la table pour la suite de la discussion. On va entamer ça très bientôt. Donc, on va parler avec Laurie May Ross-Dionne à l'instant. Laurie qui s'intéresse au rôle de l'identité dans les jeux vidéo, particulièrement ceux qui sont automés. Salut Laurie. Oui, salut. Les jeux automés, c'est quoi précisément? En fait, les jeux automés appartiennent plus à une catégorie qu'on pourrait dire des jeux pour femmes. On utilise le terme « Josenke Game », donc « jeu pour fans », mais à l'intérieur de ça, on peut aussi utiliser le terme « otome », donc « otome » qui réfère à « jeu de jeunes femmes ». Le terme réfère, aux jeunes femmes non mariées, culturellement au Japon. Et donc, la définition de la catégorie, ben on pourrait dire que c'est des jeux pour les femmes, développés et commercialisés pour un public cible féminin. Et on peut attribuer à, disons, l'apparition de ces jeux-là avec la sortie du jeu Angélique en 1994 par Ruby Party, qui est en fait une sous-division de Koei. Ah ouais, Koei c'est quand même une grosse compagnie, ils sont connus pour leur romancing... Romance of the Three Kingdoms, je pense. Moi, mes jeux automés, par contre, appartiennent plus au ce qu'on appellerait novel game, donc plus proche d'un livre interactif. Parce qu'en fait, on a plusieurs catégories de jeux qui sont interchangeables dans le terme parapluie visual novel, mais dans la culture japonaise, ce terme-là n'existe pas réellement. Quand on nous a parlé du Bishojo Games, qui est beaucoup plus lié à une optique de drague de personnages féminins. Les jeux automés se positionnent comme étant l'équivalent féminin, donc la romance de personnages masculins. Donc les jeux automés visent un public féminin, puis c'est des jeux qui sont autant dans la séduction que ceux qui sont masculins. C'est séduire un homme ici. Exactement. C'est la poursuite d'une relation amoureuse. Petit bémol, c'est qu'en fait, dans les jeux bishojo, souvent, on a la possibilité d'avoir un harem. Donc, que notre personnage puisse terminer son aventure entouré de tous les partenaires potentiels qu'on peut lui offrir. Puis souvent, ça peut être vu comme le true ending, la vraie fin. Donc, la fin qui récompense le joueur. Tandis que dans les jeux automés, ça opère sous une logique monogame. Donc, oui, on peut tomber amoureuse de tous les partenaires potentiels, mais lorsque on n'est pas dans leur route, donc leur segment narratif attitré, ces personnages-là ne s'intéressent habituellement pas à nous ou ont leur propre vie. Et c'est seulement dans leur route dédiée que là, l'amour va éclore, disons-le comme ça. Est-ce que c'est une particularité culturelle au Japon que les femmes n'ont pas accès à ce fameux harem-là? Ou... Ça, je pourrais pas vraiment y répondre. Parce que je me pose la question, c'est juste... Y en a-tu des jeux où est-ce que, en bout de ligne, la femme peut finir avec une dizaine de gars? À ma connaissance, non, mais c'est sûr que j'ai accès seulement à une partie très réduite du corpus japonais, donc probablement des jeux qui ont été aussi présélectionnés par les compagnies qui ont traduit les œuvres. Si je peux me permettre, c'est assez intéressant parce que dans le... Donc récemment, il y a des visual novels qui s'adressent à des homosexuels et il y a, à ma connaissance, enfin à ceux auxquels j'ai joué, le harem n'est pas complètement accessible non plus. C'est un peu un entre-deux par rapport à ce que Laurie vient de dire. Et là, peut-être que Samuel ou Fabienne pourraient compléter, mais à ma connaissance, quand tu fais un choix dans les embranchements de conversation, tu vas exclure certaines possibilités de séduction de facto. Donc, moi, j'ai pas vu de jeu contemporain qui s'adresse à des homosexuels où tu peux avoir ton harem à la fin. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir comment les différents désirs sont représentés en termes d'accès justement à la polyamorie. Et je sais pas, Samuel, est-ce que toi, t'en as connu des jeux de ce type-là qui permettent d'avoir vraiment d'être un complétionniste de la séduction, d'avoir toutes les récompenses possibles? Ouais, non, j'en connais pas. C'est sûr que dans Coming Out on Top, tu sais, puis dans plusieurs autres jeux, on débloque la galerie, fait qu'au final, on a quand même accès à toutes les scènes. Si t'as eu des relations sexuelles avec tous les personnages, t'as quand même la galerie où là, tu vois que t'as été en couple avec tous les personnages. Mais dans la route individuelle, non, c'est ça, c'est pas quelque chose qui est possible. Puis d'empêche, dans Coming Out on Top, Pascal, tu mentionnais le polyamour. C'est ça, il y a quand même un personnage qui est polyamoureux. Mais c'est vraiment une route individuelle. Mais il y avait ça qui était intéressant, ouais. Laurie, t'as quelque chose à dire là-dessus? Fabienne, je veux dire, excuse-moi. Parce que les écrans ont changé de place. Il y a pas de problème. En fait, j'allais juste dire que si on veut un exemple d'un jeu qui offre à la fois des relations avec des personnages masculins et féminins, puis qu'il y a une fin plus harem à la fin, c'est pas un jeu qui est japonais, par contre, mais le jeu s'appelle Cute Demon Crashers. Donc, c'est des démons qui viennent et on peut développer des relations assez scandaleuses avec eux. Et on a une fin à la fin où tout le monde est ensemble et elle est un peu écourtée, mais elle est là quand même. Ouais, mais là, ça me fait penser, Fabienne, parce que, tu sais, on avait joué les deux à Her Tears Were My Light, puis d'une certaine manière, c'est... Ben, tu connais le jeu mieux que moi, là, mais il me semble qu'il y a comme un aspect polyamoureux dans le jeu en lien avec la temporalité queer. Ouais, absolument. Moi, j'avais prévu d'en parler un peu plus tantôt, mais oui, Her Tears Are My Light, on a l'option où on peut finalement réconcilier les deux personnages non-joueurs ensemble et faire une espèce de triade, là. Moi, ce que je retiens de ce que Laurie disait, c'est que de ce que je connais de la culture, je pense que c'est shonen japonais, c'est comme j'utilise le terme parce que je les connais pas tous par cœur, c'est que le harem, le manga ou le animé à thématique harem, c'est quelque chose qui est connu, c'est un genre qui est exploité dans plusieurs médias, comme que ce soit les animés, les mangas, ça a l'air aussi les visual novels. Ça a pas l'air d'être quelque chose qui est accessible spécifiquement aux femmes. On parlait un peu en pré-entrevue, Laurie, que spécifiquement ces jeux-là ciblent des particularités culturelles de monogamie. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Effectivement. Ben en fait, même si... présentement, il y a beaucoup de femmes qui se disent très concernées par les questions de « Ah, je dois me marier avant 30 ans, sinon je suis un gâteau de Noël. » Donc, il y a beaucoup de termes, disons, un peu péjoratifs au Japon, liés au fait de ne pas d'être célibataire, donc de ne pas être marié. Mais il y a beaucoup de femmes qui disent non, j'ai pas besoin de ça pour avoir une vie épanouie, je veux travailler, je veux avoir ma carrière. Par contre, on sentait très bien dans la conversation de... Ah, j'ai pas mentionné que j'avais fait un terrain, hein. Fait que t'as fait un terrain, t'es allé sur le terrain? Oui, donc pour mon mémoire de maîtrise, j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir faire un terrain au Japon pendant 3 mois. Donc j'ai rencontré des jeunes japonaises et je leur ai posé des questions sur leur culture, voir s'il y avait peut-être un lien avec les idéaux ou les trames narratives que je retrouvais dans les jeux otome. Et ces jeunes femmes-là me disaient qu'en fait, qu'il y avait un certain stigma lié au célibat, mais qu'elle, elle ne s'en faisait pas trop, de « j'ai pas besoin de ça pour être heureuse. Si jamais je me marie, ben, moi et mon conjoint, on va faire les tâches ménagères, donc il y aura pas une division typique du travail. Par contre, on sentait de la pression au niveau du discours des grands-parents. « Ah! T'es pas encore mariée? » Quasiment à chaque fois qu'elle revenait voir sa famille, c'est comme « Ah, t'es encore célibataire? Comment ça? Mais là, t'as 26 ans, ce serait peut-être temps. » Donc, c'est deux générations, mais il y a quand même une pression sociale. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se répercute dans les traits narratifs des jeux otome où l'amour est l'objectif. Mais pas seulement pour gagner le jeu, mais pour réussir dans la vie. Parce que les échecs... Oui, on a des game over typiques où le personnage meurt, tout simplement, il décède. Mais lorsqu'on arrive à la fin de la route, si on n'a pas réussi à avoir suffisamment de points d'affection de notre partenaire potentiel, ben souvent, notre protagoniste se retrouve malheureuse ou complètement brisée. Donc, elle est en état dépressif, comatique, tu sais, on peut en passer. Mais c'est vraiment une tragédie. Alors que lorsqu'elle réussit sa route, donc elle a la confession, la grosse déclaration romantique du partenaire, ah ben là tout est beau, c'est le happy ending. Moi j'ai quelque chose dans mes notes, tu me diras si t'es à l'aise d'en parler. Ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est qu'il y a comme la société japonaise est en changement présentement. Et que il y a peut-être quelque chose avec les jeux otome, que c'est comme... Moi, j'ai marqué ça comme un exutoire des pressions sociales internalisées. Je sais pas si tu peux... je sais pas ce que t'en penses, en fait. Exutoire dans quel sens? Ben, j'imagine que, quand je dis des pressions sociales internalisées, c'est qu'eux autres, ils ressentent ces pressions-là qui viennent des générations qui sont là avant, mais qui sont... Leur génération présente, les plus jeunes, sont en train de comme... Ils se défont un peu de ça, tu sais. Eux autres, ils veulent vivre leur vie de la manière dont ils conçoivent, mais que, tu sais, les traits culturels, ils se répercutent, puis ils se transmettent quand même. Puis pour eux autres, c'est une manière de comme peut-être vivre une partie de ça sans être obligé d'être pris dans leur vie de tous les jours. Je sais pas si ça fait du sens, là. Mais ça reste quand même que c'est des scénarios... où on pourrait dire c'est un peu un carcan lié à la pression sociale vers le mariage. Parce qu'évidemment, oui, la déclaration mène vers le mariage lorsque les jeux possèdent des suites, mais c'est plutôt des fan-discs. Le terme fan-disc réfère pas du contenu produit par les fans, mais du contenu pour les fans. Donc, des scénarios supplémentaires, des nouveaux dialogues, ça peut être une nouvelle galerie d'images aussi. Donc, c'est la... permettre de consommer un peu plus la relation qu'on a avec notre partenaire. Mais dans ces scénarios supplémentaires-là, habituellement, ben, c'est le mariage qui est mis en vedette. Donc, on finit... Notre partenaire nous rementionne qu'il nous aime, qu'il nous adore, et il fait une proposition. Et c'est ça un peu le clou du spectacle du fan disque. Ah ouais, c'est ça comme la récompense, c'est la proposition comme telle. C'est ça. Et c'est plus une intuition peut-être, mais oui, on pourrait dire ah, c'est ça, c'est un peu un carcan de qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qui est attendu de nous en tant que femme japonaise. Donc, c'est de nous marier, etc., etc. Mais ça reste des scénarios fictifs. Et il y a quelque chose de rassurant, aussi de plaisant d'explorer ce genre de relation-là alors qu'il n'y a pas de danger physique ou réel. C'est vraiment juste l'exploration d'une fiction qui peut être très bénéfique aussi. J'ai une couple de questions à propos de ça, mais Carl, t'avais quelque chose à ajouter? Ben, pour prendre la balle au bon pendant que le sujet est là, donc je comprends, Gabriel, ta question, c'est de est-ce que finalement c'est une façon de négocier les tensions intergénérationnelles? Et il y a une différence entre les jeux dont Laurie nous parle et les jeux bishojo, visual novel adressés aux hommes hétéros. Si je me souviens bien, Laurie, dans les bishojo games, on peut avoir des jeux qui sont très peu grivois, vraiment très très soft. Il y a des jeux érotiques, il y a des jeux carrément pornographiques. Ce qu'on retrouve aussi dans les visual novels qui s'adressent aux personnes homosexuelles. Pour les otome, si je me souviens bien ce que tu disais, là, il y a pas d'otome pornographique. À ma connaissance, non. C'est sûr, comme je dis, mon corpus est très restreint aux productions auxquelles j'ai accès ici. Mais ça va aussi dans cette optique-là de l'amour shoujo. Donc, c'est un amour un peu pur. C'est la découverte, en fait, des sentiments. Et est-ce que tu penses que c'est désiré par le public cible ou qu'il y a une espèce de, pas une censure, mais il y a une forme de retenue culturelle qui fait qu'on peut pas produire du contenu ouvertement pornographique pour un public féminin? Là, c'est un peu étrange parce que je ne suis pas experte du tout de la question du yaoi ou du ryuri, mais par contre, je sais très bien que le yaoi, qui est la représentation de relations homosexuelles qui est très érotisée, c'est du contenu souvent fait par les femmes pour des femmes. Donc, malgré qu'on présente des relations homosexuelles, c'est une vision fantasmée de l'érotisme masculin. Et dans ce contenu-là, oui, c'est très pornographique. Et donc, pour qu'une femme puisse jouir d'un contenu pornographique, elle doit se réincarner fictivement dans la peau d'un homosexuel, si je comprends bien. Comme je dis, je suis pas experte, mais il y a un peu ce paradoxe-là que je vois. Comme si la sexualité était tellement taboue pour les femmes, parce qu'elle est liée beaucoup, on va dire quand même qu'au Japon, ben, la sexualité est liée à l'idée de reproduction. Donc, les femmes comme machines à produire des enfants, ça peut sembler être une énormité, mais il y a plusieurs politiciens qui avaient quand même ce genre de discours-là. Donc peut-être que oui, quelque part, les femmes doivent se réapproprier leur propre sexualité et l'explorent à travers d'autres moyens. Fabienne, ça a l'air à te parler, ça. Ouais, ben j'allais aussi ajouter, je suis loin d'être autant une experte du jeu otome que Laurie, donc peut-être qu'elle pourra confirmer ou infirmer, mais mon expérience aussi dans certains jeux otome qui est intéressant, c'est qu'on n'aura pas de contenu pornographique, mais qu'on a des personnages non-joueurs masculins qui vont quand même exprimer une idée d'un désir sexuel envers le personnage joueur. Donc il va y avoir des trucs, fais pas ça si tu vas me donner des idées, ou ce genre de réplique-là. Puis c'est vraiment intéressant parce que mon expérience du jeu otome, c'est que c'est très rare que le personnage joueur va avoir l'occasion d'exprimer ce genre de désir-là aussi. Donc, je pense peut-être que ça s'inscrit aussi, mais je sais pas ce que Laurie en pense. Là. Il y a peut-être aussi l'idée de... C'est beaucoup plus intéressant de visualiser le scénario potentiel plutôt que de le voir. Fait que c'est peut-être une approche un peu différente, mais qui permet aux femmes d'être plus actives aussi dans leur propre identification au personnage principal. Donc, d'imaginer les scènes érotiques mentalement, et celles qui désirent des scènes vraiment pornographiques ont accès au yaoi, où elles peuvent se réincarner dans un corps, dans un fantasme homosexuel, finalement. C'est quand même assez alambiqué, c'est assez fascinant comme les chemins que le désir peut prendre dans différentes cultures. Est-ce que les jeux otome sont développés par des femmes? Dans l'échantillonnage que toi t'as, je pense que la question, elle se pose. Oui, c'est sûr que ça fait partie un peu de la définition de la catégorie, que c'est vraiment des jeux qui se veulent pour les femmes, par des femmes. Par contre, j'ai pas pu avoir accès à des compagnies de jeux vidéo pour poser des questions au niveau de la production. Parce que, oui, peut-être que les scénaristes sont des femmes, mais si après ça, le producteur est un homme... et qui décide, ah, ce scénario-là, non, ça... Je sais pas vraiment comment la hiérarchie opère au niveau du contenu. Donc, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait quand même une certaine limite imposée et que ces femmes-là se sentent obligées d'opérer dans ce cadre-là, peut-être. Parce que c'est ça, souvent qu'on parle de désir autre que ceux qui sont masculins, ça arrive des fois que ce soit des hommes hétérosexuels qui produisent ce genre d'affaires-là. Là, je suis un peu rassuré que c'est par des femmes puis pour des femmes, même s'il y a comme une espèce d'aspect de... genre comme vecteur d'idéologie quand même ici, là, la vieille idéologie, j'imagine. Probablement, oui. Il y a... dans ta recherche, t'as examiné la réception de ces affaires-là, de ces œuvres-là, les jeux automés, par des femmes occidentales? Oui, effectivement. Je m'intéressais un peu à leur réception. Pourquoi est-ce qu'elles y jouaient? Parce qu'en fait, ici, sur les rayons, lorsqu'on visait des boutiques qui vendent des produits vidéoludiques, on n'en trouve pas beaucoup des jeux automés sur les rayons, sur les tablettes. Il y a quelques titres, oui, qui existent, mais habituellement, on en reçoit ou on envoie peut-être un ou deux exemplaires, pis c'est tout, là. Fait que oui, il y a l'idée de l'offre et la demande. Donc, il y a peut-être moins de femmes qui en veulent, donc ils en commandent moins. Mais c'est un peu caché. Tandis qu'au Japon, en me promenant dans les magasins, les boutiques, il y avait littéralement des sections qui étaient balisées, donc les Otome Corner, avec même des shelf talkers roses avec des papillons, tu sais, pour vraiment baliser la section. Voici les jeux qui vous sont offerts. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai principalement fait ma recherche dans Akihabara, qui se veut plus un milieu otaku, donc masculin, et Ikebukuro, qui possède un Otome Road. Donc, je voulais voir un petit peu s'il y avait une distinction entre les boutiques. Et effectivement, à Akihabara, on avait vraiment le Otome Corner avec plein de roses partout, des grosses pancartes qui affichaient, bien évidemment, les partenaires romantiques des jeux. Tandis qu'à Ikebukuro, il n'y avait pas grand-chose, en fait. C'était pas toujours nommé. Et en parlant avec des commerçants, ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, à Ikebukuro, vu que ça s'appelle la Otome Road, on s'attend à ce que les femmes viennent magasiner. Donc, on a un peu moins besoin d'attirer le spotlight sur des sections parce qu'elles se sentent à l'aise de magasiner et d'acheter des produits. Tandis qu'à Akihabara, vu que c'est plus masculin, ben c'est un moyen pour les vendeurs d'aller chercher cette clientèle-là, de leur montrer qu'elles ont un espace pour elles. Ah, c'est assez intéressant, ça, parce que dans les espaces qu'ils n'ont pas de besoin de genrer, admettons, leur shelf, la place où ils vendent les jeux, ça l'est pas fait. C'est ça. Ben, parfois, il y en avait quand même, mais à ce niveau-là, c'était plus par rapport au type de contenu. Donc, on s'attendait à avoir une section yaoi, justement, dans une boutique. On avait aussi une section de yuri, donc ces relations lesbiennes qui sont présentées dans ces jeux-là, au lieu d'utiliser ce terme otome, parce qu'on s'attend à ce que la clientèle reconnaisse les jeux auxquels elles sont qu'elles peuvent magasiner. J'aimerais parler un petit peu des personnages qui sont présentés dans les jeux otome. On parle d'archétypes, puis on parle comme représentation. C'est pas des hommes généralement particulièrement comme masculin viril comme on les conçoit en Occident. Je pense que tu m'avais dit qu'ils étaient plus androgynes généralement. Oui, ben c'est l'esthétique bishonen. Donc souvent c'est des personnages très élancés qui ont beaucoup quand même de caractéristiques liées à la masculinité. Donc, souvent, ben, tu sais, sont forts niveau arts martiaux, habituellement très intelligents, très protecteurs des femmes, donc de notre protagoniste. On a une esthétique différente, mais au niveau de la caractérisation, on est quand même dans quelque chose de très typé. Ouais, c'est ça. Fait que quand tu dis les personnages élancés, moi dans ma tête j'ai les dessins de Clamp qui ont fait oui. Clamp, quand, est-ce qu'en fait, est-ce que tu as étudié Clamp dans ton mémoire pour Automé? Non, OK. Parce que je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Je me rappelle qu'il existe plusieurs femmes qui produisaient des mangas, des animés. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut... J'allais te poser la question, c'est quoi ça? Je connais pas ça. Fabienne est là pour nous aider. Mais ça, je suis pas une experte non plus, mais si je me trompe pas, c'était quelque chose... 4 ou 5 femmes qui sont au studio, qui ont produit plusieurs animés, notamment Tsubasa Reservoir Chronicles, Cardcaptor Sakura, Sakura Chasseuse de Cartes. Je pense que, je sais pas comment on prononce, mais c'est 3X-holic, donc Triple X-holic ou quelque chose comme ça. Puis ils ont tendance aussi à mélanger leurs univers beaucoup entre les différentes séries. Merci. Ça répond quand même bien à la question. Je me rappelle de Cardcaptor Sakura, ça passait genre à YTV au début des années 2000. Télétoon, ouais. Oh! Samuel qui nous montre un manga. Moi, je regardais ça à 2h du matin quand je revenais de travailler dans un club vidéo qui fermait très tard. Donc, les personnages sont... Oui, Laurie? En fait, ben, je vais revenir sur ton début de question. Oui, vas-y. Mais oui, l'intérêt pour les femmes de jouer à ces jeux-là, c'est d'explorer des univers fictionnels, littéralement. Oui, c'est sûr que on a la trame narrative romantique qui est très importante, mais c'est aussi l'autre ligne directrice. Est-ce que c'est dans un univers policier? Est-ce que c'est dans un univers alternatif? Par exemple... Color X Malice, qui est sorti en 2017, se déroule dans un Shinjuku, un peu alternatif, et où il y a une série de meurtres violents appelés les X-Day Incident. Et donc, notre but, c'est de découvrir un peu qu'est-ce qui se cache derrière ces crimes-là. Donc, c'est vraiment très policier. Et même que les choix narratifs peuvent se scindent en tout ce qui est lié à l'investigation et la romance. Donc, on a vraiment les deux parties. Tandis que Code Realize, Guardian of Rebirth, sorti en 2015, ça se déroule dans un univers alternatif de Londres. Et on rencontre, en fait, des personnages issus de la littérature. Donc, on rencontre Arsène Lupin, on rencontre Saint-Germain, Victor Frankenstein. Donc, c'est vraiment cette idée-là d'explorer des mondes fictionnels. Et en plus, ben, on a la possibilité de rencontrer Prince Charmant, donc c'est vraiment exploratoire. Ouais, c'est super intéressant ça. J'avais pas réalisé qu'il y avait l'aspect genre littéraire qui pouvait être exploré, puis l'idée d'un que c'est pas juste quel dude qui va me proposer une bague, puis ça va être aussi quelque chose qui est ça. Je vois ça vraiment plus comme un jeu vidéo. Pour une raison étrange, quand tu me dis « Ah, il y a de l'exploration, t'sais, d'un... comment on appelle ça? Un monde, un univers quelconque. » C'est souvent lié avec une intrigue principale. Donc, quand on parlait de Color X Malice, ben, qui est derrière, qui est cette organisation terroriste-là qui s'appelle Adonis? Et donc, à chaque fois qu'on a une route différente avec un des partenaires romantiques, on explore une facette de ces crimes-là. Et c'est seulement lorsqu'on a fini toutes les routes qu'on débloque la vraie fin et qui nous révèle un peu le punch de quel était l'objectif de la figure terroriste. Par contre, j'avais des joueuses qui étaient complètement heureuses avec une seule route. J'ai vraiment un témoignage d'une joueuse qui me disait « J'ai adoré l'évolution de la relation pour moi. » C'était merveilleux, je veux plus rien savoir, le jeu se termine là. Donc, il y a quand même l'exploration, si on veut, des mondes possibles, parce que en même temps, si j'ai fait toutes les fins, je peux me dire, oui, mais ma préférée, c'était celle-ci, et même si je sais que c'est comme ça que ça devrait se terminer, parce que j'ai vu le true ending, la vraie fin, pour moi, ça reste la route avec tel personnage qui est mon expérience du jeu final. Donc, c'est pas lié seulement à, tu fais toutes les routes, puis à éventuellement, tu finis le chemin avec le true ending. C'est intéressant ça. On va reparler un peu plus tard. Carl, t'avais quelque chose à dire? Ben, je veux souligner à grands traits, quand je parlais de l'intérêt ludique du genre qui est un jeu impur, qui n'est pas des vrais jeux, là, ben, Ben c'est ça, en fait, c'est que les gamers qui sont habitués à certains genres savent pas trop comment saisir cette jouabilité-là, extrêmement flexible et exploratoire. Mais c'est ce qui fait sa richesse, parce que justement, il y a un paquet de comportements ludiques ou d'attitudes ludiques possibles, comme Laurie vient de nous l'expliquer très bien. Il y a des complétionnistes du visual novel qui vont vouloir faire tous les embranchements, qui vont explorer la totalité de l'univers fictionnel, y compris les mondes parallèles alternatifs, les mondes possibles alternatifs. Et il y a certains jeux, comme Laurie l'explique, qui vont intégrer une récompense spécifique pour ce type de jeu, de joueurs-là. Alors que d'autres vont se contenter d'actualiser une, deux, trois routes et vont en retrouver une jouissance ludique et narrative tout à fait satisfaisante. Et donc, c'est le potentiel d'appropriation ludique parmi les plus considérables de tous les jeux vidéo qui sont créés. Tu peux en faire un peu ce que tu veux de ce genre-là. Et c'est pour ça que des gens, je pense, qui savent pas par quel bout le prendre. Il est beaucoup plus flexible, malléable. Et l'exploration des mondes possibles, c'est vraiment la ligne directrice, comme on va le voir avec Fabienne, notamment. C'est un des sujets de son mémoire. Mais voilà, c'est ce qui me semble être l'intérêt ludique principal du genre. C'est l'idée et c'est lié à l'interactivité même. C'est l'idée d'explorer des mondes possibles. Donc, on pourrait dire que c'est un genre ludique par excellence, là. Donc, on est présentement avec Fabienne Sassy, qui travaille sur le visual novel et qui a un intérêt particulier pour les personnages non-joueurs, les PNJ. Salut Fabienne. Bonjour. Toi, tu travailles souvent sur... en fait, les visual novels, en général, on en a parlé un peu avec Laurie. C'est quoi la particularité de ça, puis qu'est-ce que tu étudies exactement là-dedans? Mais le visual novel, c'est sûr que, bon, Carl l'a mentionné aussi, il y a un moment, mais il y en a 30 000, donc c'est toujours très difficile de faire un portrait global du genre. On a aussi parlé avec Laurie comme quoi l'appellation visual novel elle-même, c'est peut-être un petit peu pas toujours la meilleure appellation, ça n'existe pas au Japon. Donc, c'est très difficile d'aller peindre un portrait global, mais ce qu'on sait, c'est que c'est largement textuel, qu'on a une grande composante avec des illustrations, des images, on va avoir des portraits de personnages, on va avoir des décors, puis on a un gros accent qui est mis sur les choix. Donc, on va aller faire différents types de choix qui vont nous permettre de prendre différents embranchements. Donc, ce que j'entends par embranchement, je vais rester, on a parlé de vagabonder, on a parlé de prendre des routes, donc je vais essayer de rester dans ce vocabulaire de navigation. Ce qui est intéressant dans le visual novel, c'est que oui, on a une grosse composante vraiment manifeste qui est textuelle, qui est narrative. Donc, on parle à des personnages, entre guillemets, on a un dialogue, il nous confie des choses, on a des choix de réponses pour essayer de gagner leur affection, mais en fait, on a aussi un chapeau d'explorateur. Puis Laurie l'a fait remarquer, on est dans une logique où on essaye de collectionner toutes les routes, de voir toutes les possibilités pour avoir une vue d'ensemble. Puis ce genre d'approche-là, il y a beaucoup d'éléments dans le jeu qui vont aller encourager, voire faciliter ça. Donc, concrètement, ça ressemble un peu à le type d'exploration qu'on va faire dans un livre dont vous êtes le héros. Ça nous ramène un peu à ce qu'on a mentionné au niveau de la littérature. Donc, je sais pas si tu as déjà joué ou lu, je sais même pas lequel des deux termes utilisés, à un livre dont vous êtes le héros, mais la façon dont ça fonctionne, c'est on lit le livre, on arrive à la fin d'un chapitre, on nous décrit une situation. Là, je vais prendre un exemple bidon, mais disons qu'on nous dit « Ah, il faut choisir entre manger trois fruits. Si tu veux manger la pomme, va à la page 3. Manger la banane, page 4. Manger la poire, page 5. Admettons que je fais le choix de la pomme, je vais à la page 3, j'apprends que la pomme était empoisonnée, on me décrit la mort agonisante de mon personnage, c'est la fin du récit essentiellement. On se ramasse dans un cul-de-sac et la seule option qu'on a, c'est de tourner nos pages, revenir à la fin du chapitre et dire « Ok, finalement je vais manger la banane, je vais aller à la page 4 ». Et on se rend compte que finalement c'était le bon choix parce que ben le récit continue, on nous décrit les actions futures à prendre. Le visual novel, c'est un peu différent, mais pas tant que ça finalement. Dans le sens où on va arriver à, disons, une séparation du chemin, un embranchement, il va falloir faire un choix. Donc, supposons que le personnage que je veux draguer me demande c'est quoi ma couleur préférée. Moi, je vois le choix apparaître. Donc, sur mon écran, il y a ces trois choix-là qui se manifestent. Et ce que je peux faire, ce que beaucoup de joueuses vont faire, c'est sauvegarder. Donc, on va effectuer une sauvegarde parce qu'on veut se donner ce point d'ancrage-là auquel revenir si on fait une erreur. Donc, admettons que je réponds rouge et j'apprends que le personnage que je veux draguer, il déteste le rouge. Oups, mauvaise réponse. Potentiellement, je viens de compromettre tout mon avenir avec cette personne. La réponse est simple. Je peux revenir à mon point d'ancrage, revenir à ma sauvegarde et faire un choix différent. Donc, il y a cette espèce de navigation-là qui se crée où on est toujours en train de sauter entre les différents points d'ancrage pour essayer finalement de dégager c'est quoi ce labyrinthe-là, c'est quoi tous ces choix-là qui existent. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le jeu nous récompense non seulement avec des segments narratifs, donc on va apprendre à mieux connaître le personnage, on va peut-être résoudre l'intrigue comme Laurie l'a mentionné dans ses exemples, mais on nous récompense aussi avec quelque chose de beaucoup plus concret qui sont souvent, pas dans tous les jeux, mais souvent, des illustrations. Donc, par exemple, disons que j'ai finalement compris que le personnage avec qui je veux sortir aime le vert, ça avance bien, il m'invite à un rendez-vous pour aller voir un coucher de soleil, ben potentiellement, on va m'offrir une illustration qui montre ce personnage-là en train de contempler le coucher de soleil. Et cette image-là, elle est souvent sauvegardée dans ce qu'on va appeler une galerie, ce qui veut dire que j'ai accès quand je veux. Ça devient un objet de collection. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces objets de collection-là, ils vont souvent être un peu partout. Ils vont être dans les mauvaises fins, ils vont être dans les game over, ils vont être dans les fins dites normales, ce que Laurie a décrit où finalement, oh non, on est malheureux, ça fonctionne plus, on n'a pas réussi à aboutir la romance, mais on s'est quand même rendu à la fin du jeu. C'est vraiment partout. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il faut aller sauvegarder, retourner à des points d'ancrage et tout pour cerner l'entièreté de ça et compléter notre collection aussi. Et par conséquent, ça encourage la curiosité, ça encourage à dire « Ah, mais si je m'intéresse à cet autre personnage-là, qu'est-ce que j'ai comme image? Qu'est-ce que j'ai comme segment narratif? » Donc, c'est un peu l'intérêt, c'est là qu'il y a beaucoup du jeu dans le visual novel. Ce qui est aussi drôle, c'est que c'est facilité par les mécaniques de jeu. Donc, souvent dans d'autres types de jeux, si on veut sauvegarder, on ouvre le menu, il faut aller à la sauvegarde, on a, mettons, trois espaces de sauvegarde. Donc, c'est très limité. On est supposé sauvegarder pour enregistrer notre progrès. Dans les visual novels, les fonctions de sauvegarde, c'est complètement au bas de l'écran. Tout simplement, on fait juste cliquer. Souvent, on a une quantité vraiment incroyable de sauvegardes. Moi, j'en ai vu des 30 plus même. Puis, c'est fait pour qu'on se crée toutes sortes de points d'ancrage. Donc, c'est fait pour que sauvegarder, puis je sais pas ce serait quoi le terme en français pour « load ». Charger. Pour charger, merci. Donc, sauvegarder, charger, c'est facile, c'est accessible, puis c'est vraiment ça... le clou de l'expérience, finalement. Autre mécanique que le jeu peut nous présenter pour justement attiser notre curiosité, c'est la présence d'un flowchart. Donc, on va avoir accès à l'arbre narratif et avec des points d'interrogation pour les chemins qu'on n'a pas encore découverts, ou à la limite avec des images, avec des X pour montrer « Ah, oui, t'as fait cette route-là, mais il te manque une image. » Donc, le joueur curieux va vouloir réessayer pour « Ok, mais comment je fais pour atteindre ce point-là? Il me semble que j'ai pas réussi. » Et des fois, même que le choix narratif qui te permet de débloquer l'option manquante, tu l'obtiens seulement à la fin d'une route complète. Donc, ça te permet de recommencer avec des nouvelles informations qui te permettent de débloquer plus de contenu encore. Donc, c'est pas juste tu fais ta route puis tu termines avec cette route-là. Souvent, elle est nécessaire pour poursuivre ailleurs. Donc, c'est des jeux qui savent à quel public s'adressent, puis ont des dispositifs pour susciter l'intérêt des personnes qui vont jouer. Oui, puis ça fait partie du plaisir aussi de comprendre dans quel genre de jeu on est. Tu sais, souvent, ça va être une question que moi, je me pose quand j'aborde un nouveau visual novel. Est-ce qu'il y a une vraie fin? Il y a combien d'options de dating? Je suis en train d'essayer de cerner ça va être quoi les possibilités, puis des fois je rentre puis j'ai pas vraiment de réponse, donc je vais désespérément essayer de voir s'il y a des conditions qui enclenchent une vraie fin, puis ça fait un peu partie du jeu aussi, d'aller cerner, c'est un peu comme si on parcourait un labyrinthe où on voit seulement là où on est. Plus on parcourt de chemin, plus le labyrinthe au complet devient évident. On parle de plaisir exploratoire, moi je suis vraiment content qu'on ait mentionné l'idée de la navigation, parce que ça a comme fait une petite étincelle dans mon esprit. Il y a comme l'idée de cartographier, en fait. C'est ça l'affaire. On cartographie, on explore les limites d'un monde et on se fait une image mentale des barrières, des limites de ce monde-là, j'imagine. Exactement. Puis ça, c'est aussi beaucoup au service des personnages qu'on apprend à connaître. Dans le sens où il y a un approfondissement de découvrir comment le personnage réagit dans tel ou tel scénario. Ça agrandit beaucoup notre compréhension de ces personnages-là, de qui on est censé tomber amoureux. Donc, ça vient avec cette espèce de compréhension-là, de dire « Ah ben, maintenant que je te connais mieux, je t'aime encore plus. » Parce que c'est ça, l'idée, c'est de comprendre le personnage sur toutes ses facettes, incluant les facettes qui vont être comme moins bonnes, dans le sens où ça va nous mener à un game over, où ça va comme terminer un embranchement, mais on la veut pareil, parce qu'on va en savoir plus sur ce personnage-là. Oui, exactement. Ou ça peut être juste un, j'ai pas le mot français, mais un shock factor. Donc, on a certains jeux qui vont présenter des fins absolument rocambolesques. Puis, il y a aussi un plaisir là-dedans de dire, oh mon Dieu, je suis morte de façon tout à fait catastrophique. Mais c'était drôle, c'était intéressant. Puis, ça peut aussi soulever des indices qui vont mener à mieux comprendre peut-être un antagoniste potentiel ou des choses comme ça. Donc, ça met en place des petits éléments. Puis, en même temps, c'est amusant, c'est drôle. Ça sort un peu du cadre de la romance établie. C'est des jeux qui sont humanisants, en fait. Tout à fait, oui. Comprendre le personnage, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est quelque chose qui est recherché chez le joueur. Ou la joueuse, la joueuse. On suppose. C'est certain que c'est toujours difficile d'aller peindre un portrait global parce qu'il y a beaucoup de joueuses qui ont tous des approches différentes. Comme Laurie dit, il y en a qui... Cette exploration-là, ben ça leur parle pas. Ils sont là pour un personnage en particulier, puis c'est là tout l'intérêt. Donc, c'est sûr que ça dépend beaucoup, mais je pense que pour une certaine catégorie de joueuses, il y a cet intérêt-là définitivement. Est-ce qu'on pourrait dire que les visual novels, ou du moins ceux que tu as étudiés, c'est un peu comme des simulateurs d'intimité? Moi, j'aime le terme. C'est sûr que c'est pas tant quelque chose qui a été recherché ou documenté, mais je pense qu'à un certain égard, dans cette mécanique où on est placé souvent à la première personne, donc on est dans les yeux du personnage qu'on incarne, on regarde l'autre personnage qui nous parle, il y a cette espèce de moment d'intimité, de conversation, d'échange avec l'autre qui, à mesure qu'on progresse, nous révèle de plus en plus d'éléments à propos d'y elle. Donc, je pense qu'il y a cette forme, en fait, d'une intimité grandissante qui peut parfois être simulée dans certains visual novels, oui. Il y a aussi certains jeux qui vont te proposer un interlude. Donc, si on revient un peu à l'idée du livre, il va y avoir un interlude où là, soudainement, on va avoir le point de vue, en fait, de notre partenaire. Et donc, ça rajoute un autre niveau d'intimité parce que là, c'est vraiment ses pensées, ses émotions, et on peut comprendre pourquoi il a commis certains gestes. Donc, c'est vraiment intéressant quand même que le jeu te pousse à vraiment vouloir le comprendre sous toutes ses formes. Ouais, c'est ça. Faut se rappeler que ces choses-là, c'est souvent sont mises en forme, puis sont faites spécifiquement pour communiquer des choses à la personne qui va y jouer. C'est toujours difficile de parler d'intention parce qu'on sait jamais exactement qu'est-ce que les développeurs voulaient faire, à moins qu'elles le disent en entrevue. Mais c'est certain qu'il y a de la facilitation. Donc, il y a des mécaniques qui sont là qui rendent peut-être plus facile ou plus accessible certaines méthodes de jeu, certaines approches aussi. Donc, je pense que, par exemple, l'accessibilité super rapide des fonctions de sauvegarde puis de chargement, ben ça l'encourage à faire ce genre de saut-là. Après ça, c'est un œuf ou la poule. Est-ce que c'est des stratégies que les joueuses ont développées qui ont poussé les développeurs à garder ça ou l'inverse? Moi, en tout cas, je suis pas experte, j'ai pas la réponse à cette question, mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est sûr que moi, je trouve ça vraiment plus simple d'aller sauvegarder en bas de l'écran que d'ouvrir un menu, attendre sa télécharge, etc. C'est présent, ça facilite. Les personnages sont-ils construits d'une manière particulière dans les visual novels comparé à, mettons, genre des personnages dans Contra, là, qui ont absolument aucune personnalité, c'est juste des dudes qui ont des guns. Et c'est certain que je pense que c'est toujours, il y a toujours des considérations au niveau de comment on design, comment on conçoit nos personnages pour essayer de communiquer des éléments de leur personnalité ou de leur histoire de vie ou de leur développement. Puis ce qui est fascinant dans des simulateurs de drag, c'est qu'on essaye de communiquer des informations à propos de ces personnages-là pour aider les joueuses à faire un choix. Donc il y a beaucoup de simulateurs qui vont employer des codes qui deviennent de plus en plus évidents plus on y joue, qui vont venir communiquer des archétypes. Puis ça va être présent beaucoup, par exemple, dans le jeu Otome, dans le jeu Bishoujo. Dans le jeu queer, c'est sûr que ça se renverse un peu parce qu'on est en train de sortir de ce genre de code-là, mais on va essayer, par exemple, de faire appel à certains archétypes qui souvent sont connectés à la culture otaku, donc à la culture d'anime et de manga. Il y a notamment ce qu'un chercheur qui s'appelle Hidoki Azuma appelle des moe elements. On va aller employer certains éléments spécifiques qui font écho à cette culture-là pour générer des attentes. Donc, si, par exemple, on a un personnage qui aurait des longs cheveux noirs, qui porte des collants noirs quand tout le monde porte des collants blancs, qui a par exemple, un air un peu désintéressé, on peut assumer peut-être que c'est un personnage qui est plus rebelle ou qui va être plus timide. Des fois, la distinction n'est pas super claire, mais ça crée des attentes au niveau de quel type de romance va être présente aussi. Peut-être que ça va être une romance qui va sortir des cadres, peut-être que ça va être un peu plus... agressif. Il y a une certaine combinaison d'attentes qui vont être générées, qui peuvent attiser la curiosité des joueuses qui ont une préférence pour ce type de personnage-là. Versus, par exemple, si on a un personnage qui se tient vraiment droite, qui a les cheveux très bien coiffés, qui a une longue jupe et tout, là, ça évoque plutôt l'élégance. On va être dans un autre type de registre. Oui, donc Fabienne vient de mentionner un chercheur très important. Je voulais juste insister sur les travaux de Hiroki Azuma, qui a écrit donc... c'est un des rares livres des Otaku Studies produits au Japon qui est traduit et disponible donc pour nous. Et donc, je vous le recommande. Ça s'appelle « Otaku 2. Japan's Database Animals ». On n'a pas le temps d'expliquer de long en large, mais c'est vraiment une théorie centrale de comment la consommation des fans, des otaku, s'est modifiée à travers le temps. D'une période un peu plus classique, là, avant les années 90, où on cherchait des grands arcs narratifs avec une certaine complexité, à ce que Fabienne vient de mentionner, à la consommation de moe elements, d'éléments de personnages désirables. Et là, il faut comprendre que c'est pas juste un personnage désirable, mais c'est des fragments de caractérisation désirable. Et la théorie d'Azuma, c'est qu'on se gave dans... Tu sais, quand on va magasiner au Comic Market ou qu'on cherche un nouveau manga, un nouvel animé, on regarde c'est quoi la combinaison des éléments moe qu'on connaît bien dans notre base de données culturelle intérieure. On connaît bien ce qui nous plaît dans les millions d'éléments qu'on a vus sur les écrans. Et on va trouver les assemblages qui sont incarnés dans un personnage ou une série de personnages qui nous plaisent le plus. Et oui, les arcs narratifs sont toujours là derrière les personnages, mais la théorie, c'est que la consommation repose beaucoup sur la désirabilité très, très fragmenté de certaines pièces de personnages, certains aspects très spécifiques de personnages. Et donc, imaginez, là, pour donner des exemples en plus de ce que Fabienne vient de dire, les oreilles de chat sur une madame, les habits d'écolière de Sailor Moon, la boucle qui souligne la poitrine des écolières. Tu sais, c'est vraiment des fragments des personnages, et la création, à la fois par les fans et par les mangakas, va souvent fonctionner par réagencement de ces fragments désirables. Et donc, c'était la parenthèse que je voulais faire, je vous recommande fortement la lecture, et je termine en disant que pour Hiroki Azuma, le versant interactif de cette culture-là, donc ce dont on parle aujourd'hui, les Bishoujo Otome Games, les Visual Novels, c'est la pierre d'assise de cette nouvelle consommation-là. Donc, si on écoute cet argument-là, si on comprend bien l'argument d'Azuma, le genre le plus négligé de l'histoire du jeu vidéo, celui dont on vous parle à travers ces différents segments aujourd'hui, serait en fait le plus représentatif de la consommation contemporaine des médias de divertissement. Et donc, c'est un paradoxe vraiment fascinant quand on y pense. L'élément central, hein, c'est interactif, donc non seulement vous vous gavez en regardant un film, vous vous gavez des éléments qui vous intéressent le plus, des personnages et des fragments qui vous intéressent le plus, mais quand c'est interactif, vous pouvez commander les fragments. C'est ça le dating simulator aussi. Vous pouvez choisir votre partenaire qui est un agencement de très désirable que vous connaissez bien parce que vous aimez telle ou telle franchise. Et donc, c'est un peu dramatique là, au niveau de comment on fait l'histoire, de dire que on a des théories qui montrent que c'est la forme de consommation la plus caractéristique de notre époque, et elle est systématiquement négligée dans les écrits de l'histoire du média vidéoludique. C'est intéressant que tu parles du fait que c'est très représentatif de notre époque, parce que il y a comme une... Tu parles de fragments, pis c'est le mot sur lequel j'accroche vraiment beaucoup. Parce que moi, je l'avais remarqué, je l'avais peut-être pas mis en mots comme ça. Moi, je parle dans ma tête, c'est comme, on prend comme des concepts particuliers ou des images esthétiques particulières qu'on peut définir comme fragments, mais oui, effectivement, le costume d'écolière ou certaines aussi, quand on parle, mettons, d'anime ou de manga ou peu importe, juste certaines manières dont les regards sont représentés ou certains éléments esthétiques de comme « Ah, tu sais, ça, ce personnage-là va être un personnage tsundere », genre que, comme, je sais pas si je le prononce bien, là, mais c'est comme un personnage qui est comme vraiment bien connu dans le monde animé-manga. Et il y a comme, tu sais, je sais pas, moi dans ma tête, j'ai comme atomisation, tu sais, il y a comme une genre d'atomisation de la société qui se produit dans comme le fait qu'on peut consommer comme plein d'affaires de manière, tu sais, pas restreinte, mais comme vraiment spécifique. Et c'est même, on pourrait parler de fétichisation, je suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais oui, c'est de l'ordre du déplacement du désir sexuel sur des pièces de vêtements, sur des regards, sur des configurations, des poses, des attitudes, des expressions faciales. Il y a une emphase particulière sur certaines expressions faciales dans la culture manga et animé. Donc, tout ça pourrait être une espèce d'incarnation du désir ou des fantasmes partagés par la communauté otaku. Oui, tout à fait. Ouais, juste petite parenthèse, j'ai travaillé dans un club vidéo dans le temps qu'il y avait encore des clubs vidéo puis des VHS. La place où il y avait la pornographie, il y avait comme les portes western, parce que les messieurs rentraient là-dedans puis ils passaient des heures à scruter toutes les cassettes, genre comme « qu'est-ce que je vais prendre ce soir? » Puis je vois un peu de ça dans ce que tu racontes avec le animal consumption, parce qu'il y a comme un désir de chercher vraiment quelque chose de spécifique, en partie. Je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, mais c'est quelque chose qui est présent depuis au moins comme une vingtaine d'années. Outre ça, juste une autre petite parenthèse, je regarde pas beaucoup d'animés, j'en ai regardé quelques-uns. Neon Genesis Evangelion, c'est un animé qui est comme vraiment comme particulier, dans le sens où lui, c'est quoi le mot que je cherche là? Subverti, ouais, c'est ça, c'est un animé qui subvertissait qui pouvait subvertir les codes présentés dans les animés, justement le personnage tsundere ou l'idée du harem. C'est bien intéressant, moi j'aime bien ça. Incidemment, Hiroki Azuma identifie Neon Genesis Evangelion comme le point tournant de la consommation qui avant se préoccupait, disons, plus des grands arcs narratifs qui associaient à d'autres séries, je pense Gundam ou je ne sais plus. Mais Neon Genesis serait vraiment le point tournant où enfin, il veut pas réduire ça à cette seule franchise-là qui est vraiment majeure au Japon. Mais ce serait au milieu des années 90, c'est le point tournant où la consommation se réoriente vers une animalité. Et je termine sur Azuma en disant que il est pas du tout en train de mépriser ça, hein. C'est pas parce qu'il reprend le concept d'animalité qu'il est en train de dire que c'est donc avilissant ou méprisable. Au contraire, là, je vous explique pas les prémices de ce choix de terme-là, mais il est pas du tout dans un jugement de valeur. Il est dans vraiment l'observation du comportement des consommateurs et de la réception. Juste pour conclure là-dessus, sur Evangelion, là, parce que je l'ai regardé, je l'ai bien aimé. Moi, je trouve que c'est comme la grande tragédie de cette œuvre-là, c'est que ça a popularisé ce que ça critiquait. Mais bon, c'est une thèse que j'entretiens, puis je veux juste le dire de même, là, je la lance dans l'univers. Fabienne, tu as travaillé un peu sur les visual novels qui ciblent les personnes autres que comme hétérosexuelles? Oui, ben c'est ça. Comme je veux approcher le visual novel dans une perspective qui est plus globale, c'est certain qu'il y a tout un phénomène de visual novel queer qui qui est là, qui existe beaucoup aussi sur les plateformes indépendantes. Donc, au début, on parlait justement d'un foisonnement, on parlait de démocratisation des moyens. Mais je pense que c'est très manifeste quand on regarde sur des plateformes comme Itch, donc itch.io, pour celles qui voudraient aller vérifier. Il y a ce bassin grandissant de simulateurs de drague qui visent spécifiquement un public qui serait queer. Donc, on parle de gays, bisexuels, etc. Est-ce que ces visual novels-là ont des particularités en ce qui les différencie de ceux qui sont plus normatifs? Bonne question. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est que je l'ai mentionné un peu tantôt, mais on est aussi beaucoup dans l'éclatement au niveau du visual novel queer. Moi, en tout cas, à date, dans ce que je regarde, j'ai beaucoup plus de difficultés à avoir des fils conducteurs très évidents. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que souvent, on adoucit un peu les espèces de conditions de réussite. Je pense notamment à un jeu comme When the Night Comes, qui a été développé par Lunaris Games, où on peut en fait refuser les relations sexuelles qui est possible d'avoir avec nos amoureuses dans le jeu. On peut tout simplement dire « Ah, j'ai pas vraiment envie » et ça n'a pas d'impact sur la romance, il n'y a pas de problème. C'est pas un échec, ça se poursuit tout simplement. Puis c'est un peu dans l'idée de laisser la place finalement à celles qui seraient pas nécessairement à l'aise avec ce type de contenu-là. On a aussi un accent qui est mis beaucoup, peut-être, mais beaucoup, qui est plus mis parfois sur l'expression de soi. Donc, on va pouvoir choisir ses pronoms, on va pouvoir, dans certains cas aussi, choisir son apparence. Donc, je pense à un jeu comme To Do Today, qui est très intéressant parce que non seulement ça brise ce que je mentionnais tantôt de « on est à la première personne », donc on est dans les yeux du personnage, dans ce jeu-là, on le voit notre personnage. On incarne un personnage, mais son portrait est présent aussi. Puis, on peut choisir, dans le fond, non seulement le portrait du personnage, mais aussi ses pronoms. Puis, les deux sont pas connectés. Donc, je pourrais choisir le portrait du personnage qui porte une jupe, mais lui donner les pronoms « il ». Donc, il y a cet intérêt-là d'avoir une plus grande diversité au niveau de sa propre expression, de son personnage joueur qui puisse mieux nous représenter. Puis, en même temps aussi, de nous donner plus de flexibilité au niveau de comment réussir la romance pour nous donner accès à du contenu romantique. On entend souvent depuis quelques années que la représentation, c'est important. On le comprend comme un peu plus. Moi, j'ai une expérience personnelle avec la représentation qui était, moi, j'étais dude, t'es blanc, hétérosexuel, cisgenré. Genre, moi, je me vois partout. Tu sais, c'est pas un problème pour moi d'être représenté. J'ai quand même eu une expérience particulière quand j'ai entendu... j'écoute des conférences sur l'astrophysique. J'ai entendu un homme en parler en français, avec un français comme très bon, Étienne Klein. Puis c'est fait comme, oh wow, t'es autre, quelqu'un d'autre que Carl Sagan, tu sais, quelqu'un qui parle comme la manière dont moi j'aimerais parler, là, en fait. Fait que, je suis capable de reconnaître l'idée que il y a des gens qui voudraient comme se voir représentés dans un certain paysage médiatique, puis que ça arrive pas, du moins, c'est pas commun. Moi, j'ai quelque chose que t'as mentionné, genre, quand on a fait le pré-entrevue, c'est un terme, je sais pas si tu veux que je l'utilise, genre, je trouve ça vraiment beau, pis ça me titille l'esprit, genre, ça me fait exploser les affaires. T'as mentionné le luxe du banal. Mais oui, c'est, tu sais, je suis certaine que peut-être Carl ou Samuel va pouvoir aussi parler de recherche à ce niveau-là. C'est peut-être un peu moins mon expertise à moi, mais je pense que c'est définitivement quelque chose qui est moins présent. C'est que justement dans la pré-entrevue, on parlait de, par exemple, des comédies romantiques, puis de comment on a, quand on est hétérosexuel, on a eu le temps de s'en tanner. Tu sais, on en a écouté beaucoup quand on était adolescent. On a grandi, on a dit bon, ben finalement ça me parle peut-être moins. Mais pour les gens queer, il y a pas eu cette banalisation-là, il n'y a pas eu la chance de cette année, en fait, parce qu'il y avait tellement pas de représentation que c'est nouveau, puis ça crée un sentiment assez spécial de pouvoir dire « Ah, moi aussi, j'en ai une catégorie de ça qui existe pour moi. » Donc, c'est quelque chose qui peut-être, quand je pourrais dire, on n'a pas eu le temps de cette année. Donc, c'est la beauté de la chose, c'est qu'en produisant ce type de contenu-là, on donne la chance à ces gens-là de vivre ce sentiment-là, puis on leur donne après ça aussi le luxe de cette année, peut-être un jour. Ou pas, peut-être. Peut-être qu'on se tannera jamais. Ben, pour rebondir là-dessus, c'est peut-être ce qui explique aussi la popularité phénoménale des jeux qui osent représenter des réalités, des désirs alternatifs, des désirs queer, etc. Il y a quelques années, Dream Daddy était le best-seller sur Steam dans plusieurs pays, en 2017, je pense, c'était le succès de l'été. C'est un jeu qui représente, c'est un visual novel homoparental, donc t'es un papa qui a pris le temps d'élever sa fille, qui est rendu célibataire, et là, c'est ta fille qui te pousse à trouver un partenaire. Et c'est plate à mourir, là. Je veux dire, je m'excuse de le dire, mais je pense que Samuel va corroborer ce que j'avance, mais c'est vraiment pas notre visual novel qui s'adresse à des homosexuels préférés, mais le terme banal est très intéressant, c'est vraiment vraiment plate, et oui, ça doit être jouissif pour un paquet de jeunes queer, de jeunes homosexuels, de se dire « Oh mon Dieu, je vois un garden party chez un voisin que je pourrais cruiser, mais qui est tellement soporifique que je veux pas cruiser. » Tu sais, c'est le luxe du banal, j'adore cette expression-là. Dream Daddy a fait réaliser que, ben oui, c'est votre voisin, un parent homoparental, puis ben oui, il y a une vie amoureuse bien banale avec des gens bien ordinaires, un peu plus, certains un peu plus rock'n'roll, d'autres un peu plus baquet, d'autres un peu plus gothique, mais tu sais, rien de vraiment exceptionnellement différent ou qui marginalise. C'est vraiment, Dream Daddy, pour moi, est un grand jeu, parce qu'il amenait cette banalité-là dans le fait que, regardez, c'est n'importe qui, c'est vos voisins, c'est des gens comme n'importe qui. Et c'est plate à mourir, je le répète. C'est un grand jeu malgré tout. Il est très important dans l'histoire du jeu vidéo parce qu'il a montré justement à ce groupe que j'évoquais au tout début de nos interventions, les gens qui pensent que le jeu vidéo, ça a toujours appartenu à un certain groupe, ça leur a montré qu'il y avait un engouement phénoménal pour ces représentations d'autres réalités. Et voilà, donc je pense que c'est quand même... C'est un jeu important à ce niveau-là. Ben, j'ajouterais aussi que c'était quelque chose qui était très beau, Dream Daddy, parce que c'est vraiment rentré dans la culture populaire du jeu vidéo. Il y a beaucoup de gens qui ont joué, ça a été sur YouTube beaucoup aussi. Puis c'est intéressant de voir, quand on crée son personnage dans Dream Daddy, donc comme je parlais, on a une plus grande liberté au niveau du personnage joueur, on a l'option de lui mettre un binder. Donc un binder, c'est un outil pour les personnes transgenres qui peut servir à finalement aplanir la poitrine pour celles qui voudraient justement l'aplanir. Puis c'était intéressant parce que moi, je regardais un peu ce phénomène-là sur YouTube, puis j'en ai vu des gens qui jouaient, qui voyaient le binder et qui comprenaient pas c'était quoi. C'est comme, OK, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que les gens queer qui ont joué ou qui sont dans les commentaires, etc., eux sont comme, moi je sais c'est quoi, c'est là pour moi. Donc, c'est ça, quand on parle de représentation, puis justement de banalisation, c'est vu comme normal, ça existe, c'est là, il y aura pas d'autres mentions à propos de ce choix-là. C'est un choix qu'on peut mettre là, qui est là pour nous, puis qui nous permet d'exprimer cette réalité-là. J'ai une note dans mes notes. Il y a l'aspect wish fulfillment, peut-être, ici aussi. Je sais pas si tu pouvais élaborer là-dessus. Ouais, ben quand on parle de wish fulfillment, finalement c'est un peu l'idée de créer une réalité qui nous permet de réaliser un peu. Je sais pas ce serait quoi le bon terme. Wish, c'est un bon terme, un souhait, un désir en fait. Puis c'est un peu l'idée de pour des gens de la communauté queer, pour qui au quotidien il y a pas toujours la possibilité d'exprimer sa réalité. Ben ces jeux-là, ça peut devenir un espace qui est safe. Donc ça revient un peu à ce que Laurie disait aussi, que finalement les visual novels c'était un peu un safe space parce que on peut s'exprimer sans crainte de répercussions extérieures. Ouais, c'est ça. Le monde étant hostile généralement. Du moins en partie. On n'est pas au statu quo encore à ce niveau-là. Donc, on va parler avec Samuel Poirier-Poulin. Salut Samuel. Salut. Toi, t'as étudié un jeu spécifique, un visual novel qui s'appelle Coming Out on Top, puis t'es ici justement pour parler d'un exemple comme concret, précis. Oui, c'est ça, Coming Out on Top. Dans le fond, Mais moi, j'utilise le terme roman vidéoludique, là, juste, tu sais, ça montre comment qu'on utilise tous des termes différents. Mais donc, roman vidéoludique, simulateur de drague, qui a été créé par Obscurasoft, puis qui est sorti en 2014. Dans le fond, ça raconte l'histoire de Mark Matthews, qui est un étudiant qui vient juste de faire son coming out. Puis ça parle en fait de sa dernière année à l'université, de son amitié avec ses deux colocs, puis sa vie romantique et sexuelle. Et donc là, dans le jeu, il y a 6 routes. Et donc, il y a 6 routes, 6 personnages avec lesquels on peut tomber en amour et vraiment avoir des relations sexuelles. Là, c'est vraiment un jeu, il y a du contenu érotique, du contenu pornographique, c'est vraiment assez explicite. Puis il y a 12 autres personnages avec lesquels on peut avoir un one night stand. Donc là, dans ce cas-là, on est vraiment avec le hook-up. Puis pour dater ces personnages-là, on va utiliser l'application Brofinder qui est dans le jeu, qui nous fait penser un peu à Grindr. Donc faut savoir aussi, c'est ça, c'est que Coming Out on Top, c'est un jeu qui a vraiment été créé pour les hommes queer, puis essentiellement pour les hommes homosexuels. C'est sûr qu'il y a aussi des femmes qui peuvent jouer au jeu, mais d'un point de vue de la stratégie marketing, on voit vraiment que c'est un jeu qui a été fait pour les... Là, je vais faire un jeu de mots, là, pour les gamers, donc gay puis gamer, bien sûr. Donc c'est ça, c'est un jeu qui est intéressant, je trouvais, en fait parce que c'est un jeu qui est très léger, qui est très positif, qui est très drôle. Quand on pense peut-être à la représentation des personnages queer dans le jeu vidéo, on voit, tu sais, il y en a quand même de plus en plus. C'est quelque chose qui a été documenté entre autres dans la LGBTQ Video Game Archive, qui est dirigée par Adrian Shaw. Mais donc souvent ce qu'on voit, c'est que c'est des personnages, c'est qu'ils vont avoir un récit qui est très tragique. J'avais quelques exemples là, Gone Home, qui est un jeu qui est quand même assez intéressant, un des premiers jeux je dirais avec un personnage queer, donc sorti en 2013. On joue la protagoniste, c'est une fille, une femme en fait. Elle va arriver dans la nouvelle maison de sa famille et donc va découvrir que sa sœur en fait a vécu une histoire d'amour avec une autre fille et qu'elle a, là je veux dire le punch de la fin, mais donc qu'elle a fugué. Elle a fugué en fait parce que ses parents ont mal réagi à ça, donc des réactions homophobes. Donc c'est une histoire, tu sais, c'est un jeu qui est super intéressant d'un point de vue de la représentation, mais c'est un jeu qui est tragique. Il y a aussi le fameux trope là, bury your gays, donc tu sais, enterrer vos gays, qu'on voit quand même dans plusieurs jeux. Donc Life is Strange par exemple, il y a Max et Chloé qui tombent en amour. Là à la fin du jeu, on doit choisir entre rester en amour, rester en couple avec Chloé ou retourner dans le temps pour sauver Arcadia Bay d'un ouragan. En fait, et donc si on retourne dans le temps, le personnage de Chloé va devoir être sacrifié. Donc finalement, tu sais, c'est ou bien l'amour queer ou bien on détruit la société là, c'est carrément ça. Sinon, tu sais, The Last of Us Left Behind, il y avait Riley et Ellie qui tombent en amour. En fait, qui tombent en amour, qui s'embrassent. Riley va se faire mordre par des infectés, donc les zombies, mais dans ce jeu-là, c'est des infectés, et donc va mourir. Et même, on peut penser, en fait, à The Last of Us Part 2, qui est sorti, ça fait quoi, un an et demi, où là, on a vraiment... tu sais, il n'y a pas de personnage qui meurt, mais c'est quand même très, très tragique. C'est l'histoire on voit l'histoire d'amour entre... c'est quoi son nom? C'est Dina, si je me trompe pas, et Ellie, qui vont avoir un enfant, en fait. Mais Ellie va choisir finalement la vengeance, puis va finir seule. L'histoire d'amour, encore une fois, va être impossible. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que quand on a beaucoup de jeux comme ça qui sont assez tragiques, ben là, quand on a un jeu comme Coming Out on Top, où on est vraiment beaucoup plus dans la comédie, ben je pense que ça fait du bien, en fait. Juste pour faire une petite parenthèse, tu as mentionné donc Gone Home en 2013. Un des premiers jeux de type Walking Simulator à déclencher des passions. Il a reçu plein de prix de meilleurs jeux de l'année. Et c'est entre autres ce qui a déclenché un mouvement réactionnaire. Et c'est intéressant. Donc, c'est pas seulement le modèle ludique plus relâché du simulateur de marche, mais c'est aussi, il y a des hypothèses très claires, et c'est ce que Mia Consalvo et Christopher Paul prétendent dans leur livre Real Games. Il y a une composante homophobe à ce mouvement épidermique réactionnaire face à Gone Home. Donc oui, en plus il y a un Barry, en fait c'est un récit assez tragique, là, mais c'est quelque chose donc qui a été vu comme un jeu important pour la communauté LGBTQ quand même. Fin de la parenthèse. Je voulais juste ajouter quelque chose. Moi, je le mentionne souvent, mon champ d'expertise c'est le cinéma plus. Je suis très intéressé par les jeux vidéo, mais j'ai étudié le cinéma. Je parlais avec un de mes amis récemment de un des films qui parle de relations homosexuelles les plus populaires de tous les temps, Brokeback Mountain. C'est un exemple comme vraiment flagrant de Bury Your Gays. C'est une histoire tragique qui est Puis j'ai l'impression que ça cible pas particulièrement les homosexuels comme tels. Tu sais, c'est des histoires généralement, tu sais, pour Brokeback Mountain, j'ai l'impression que ça cible comme un public plus général, puis que c'est ça que ça donne comme, tu sais, être homosexuel, c'est tragique. Contrairement à ce que, mettons, t'es coming out on top, veut essayer de comme subvertir ou démanteler. Ouais, ben c'est ça. J'ai un peu de difficulté à répondre parce que, ben tu sais, moi, Brokeback Mountain, c'est un film que j'aime beaucoup, là. Je trouve. Mais c'est un bon film. Je veux juste dire, c'est un très bon film. Un problème que j'ai avec le film, c'est la manière dont les relations sexuelles sont représentées, là, parce que ça a pas d'allure, là. Mais tu sais, je veux dire, le but, c'est pas de dire qu'on devrait pas avoir d'histoire tragique. Tu sais, il y a tout le paradoxe de la tragédie. Moi, j'écoute Brokeback Mountain, je pleure, ça me fait du bien, puis tu sais, ça se passe quand même dans les années 60, c'est conservateur, tout ça. Puis ça se passe aussi dans un contexte rural, fait que ça qui est intéressant, je pense. Je pense que le point, c'est plus de dire que c'est qu'on a beaucoup de films, puis beaucoup de, c'est ça, c'est beaucoup de jeux vidéo qui sont tragiques, et c'est quand ça devient, c'est ça, quelque chose de dominant ou d'omniprésent, que là, ça devient un problème parce qu'on n'a pas accès à d'autres formes de récits, en fait. Puis oui, c'est ça, Coming Out on Top, c'est un jeu, je dirais, c'est ça qui nous fait du bien. Puis si je vais parler peut-être de l'humour, en fait, parce que c'était quelque chose qui m'avait intéressé dans le jeu. En fait, l'humour puis le contenu sexuel, je trouve que c'est quand même deux éléments qui vont quand même assez, qui sont omniprésents dans le jeu, qui sont vraiment mis ensemble. Donc ce que j'entends par humour sexuel, là, c'est des jeux de mots, des doubles sens. On a de l'humour implicite. Et là, c'est intéressant, l'humour implicite dans le jeu, parce que, bon, il faut vraiment y porter attention. Puis comme on est avec le roman vidéoludique, on appuie sur la souris. Donc, on voit une phrase à la fois qui apparaît à l'écran. Donc, on appuie sur on clique sur la souris pour voir la phrase suivante qui apparaît. Et donc, c'est une blague qui se déroule une ligne à la fois. Et là, c'est ça, faut essayer de décrypter cette blague-là. Bon, là, c'est sûr que quand on analyse les blagues comme ça, c'est pas vraiment drôle, là. Mais c'est quand même intéressant dans le jeu. L'humour qui est plus explicite aussi, qu'on voit avec les arbres de dialogue. Donc, le personnage va devoir choisir, on va devoir choisir ce qu'on répond à un autre personnage. Et donc là, avec l'arbre de dialogue, il y a 4 choix de réponse qui vont apparaître à l'écran. Et là, dans ce cas-là, c'est très vulgaire, c'est très, tu sais, in your face. Et là, c'est intéressant parce qu'on est capable de raconter plusieurs blagues en même temps. Et donc, même si le joueur va pas prendre une de ces options-là, parce que, tu sais, on a le choix parmi 4 blagues, ben on va quand même voir les autres blagues puis pouvoir rire. J'ai écrit quelques exemples, là. Faut savoir, c'est ça, dans Coming Out on Top, on est dans l'humour sexuel, c'est grossier, c'est vulgaire. J'avais un peu de mal à trouver des exemples qui sont pas trop vulgaires, mais en tout cas, j'en ai trouvé quelques-uns. Donc, par exemple, dans le jeu, il y a le Donovan qui va dire à Mark, donc si on est en date avec lui, il va lui dire « Always, always use protection », alors qu'ils sont en train de mettre leurs habits de construction. Donc, bien sûr, Donovan fait référence à, bon, porter un condom. Sinon, il y a plusieurs... on est dans la logique de la pornographie, donc on peut penser à avoir une relation sexuelle dans l'ascenseur. Le professeur d'anatomie dans le jeu. Donc, le professeur d'anatomie, en fait, Mark va réaliser que son professeur d'anatomie, c'est la même personne qui l'a dragué la veille au bar. Donc là, il va parler de ça avec son ami Penny, et là, il va lui dire, là, je vais citer en anglais, Penny va le taquiner et va lui répondre, sounds like the setup for a porno. Mark Matthews stars in Anatomy is Hard. A struggling student tries to make the grade with his professor. Et là, bon, bien sûr, elle rit beaucoup. Et là, plus loin dans le jeu, Mark va dire à son professeur, « You can't imagine how hard it is to have you as my professor. » Tu sais, c'est des trucs qui sont comme, tu sais, qu'on voit tout le temps dans le jeu. Sinon, peut-être j'avais un autre exemple pour illustrer la comédie de situation. Donc, on peut penser au personnage de Yann. Quand on joue au jeu, au début du jeu, Yann est une petite amie. Donc, on pense, on sait pas, en fait, en tout cas, moi, quand je jouais au jeu, je prenais pour acquis qu'il était hétérosexuel. Puis là, finalement, sa petite amie va le laisser. Elle va arriver chez Mark, elle aide Yann à déménager. Puis là, elle va arriver chez Mark avec une boîte remplie de gars de Michel, donc de dildo. Et là, elle va dire qu'ils appartiennent tous à Yann. Puis là, tu sais, on se pose un peu la question. C'est quand même assez drôle de visualiser ça. Donc, c'est ça. C'est ça l'humour de, je dirais, dans Coming Out on Top. Puis, en fait, je sais pas si tu veux je peux continuer un peu là, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que quand j'avais travaillé là-dessus, donc c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, et quelque chose que je fais souvent en tant que joueur, je pense, c'est que je vais sur Steam puis là je vais voir qu'est-ce que d'autres joueurs ont dit sur le jeu. Et là, j'avais été vraiment surpris par la quantité d'évaluations positives sur Steam. Et c'est comme ça, en fait, que j'avais un peu commencé ce projet de recherche-là. J'avais analysé 514 commentaires, reviews qui avaient été sur Steam. Et 95% des commentaires étaient positifs. Et là, c'était vraiment des gens qui nous parlaient, justement, qui avaient aimé l'humour dans le jeu, qui vont vraiment nous raconter des anecdotes. Donc, il y a cette relation-là, je pense, que les joueurs développent avec le jeu, mais même avec les personnages qui est intéressant, en fait. Donc, je veux juste insister sur le fait là, que c'est le jeu le plus drôle auquel j'ai joué de toute ma vie, tout genre confondu. Et l'article de Samuel est vraiment très, très clair là-dessus. Mais il faut y jouer pour comprendre à quel point chaque réplique a été réfléchie en termes de one-liner. Donc, je voulais un peu soulever la question avec Samuel et avec tout le monde, parce que tout le monde a mentionné des éléments qui se retrouvent dans Coming Out on Top. Gabriel t'a mentionné l'importance de la représentation pour des gens qui se voient pas représentés dans la culture. Laurie a parlé de safe space. Samuel, dans ton article, je pense justement tu parles de cette idée de... C'est comme un lieu d'espoir radical, parce que c'est tellement exempt de drame et de toxicité. C'est possible de vivre une vie homosexuelle et d'avoir du fun, pas juste sexuel, mais d'avoir du plaisir au niveau des relations interpersonnelles à tous les niveaux dans Coming Out on Top. Oui, c'est ça, c'est le concept d'espoir radical. Bon, Juno Diaz qui avait développé ce concept-là. On peut aussi penser à José Esteban Muñoz qui a parlé beaucoup d'utopie dans les études queer. Mais oui, c'est ça, espoir radical parce que c'est un jeu qui nous fait du bien, un jeu qui est positif. Puis, tu sais, des fois, je pense qu'on est très critique en tant qu'universitaire, puis on va dire, ah, oh, c'est une forme d'optimisme aveugle parce que tout se passe tellement bien. Mais c'est ça, moi, je voulais lire le jeu d'une autre manière. En fait, je pense que le jeu nous permet d'imaginer les choses autrement, contrer le désespoir, puis imaginer que des personnes comme nous, donc je veux dire des personnes queer, peuvent exister, puis tu sais, peuvent avoir une vie, justement, qui est agréable. Puis c'est ça un peu, je pense, qu'on voit aussi sur les commentaires sur Steam, quand il y a tous ces joueurs-là. Tu sais, sur Steam, on peut pas savoir si les joueurs sont queer, s'ils sont pas. Il y en a quand même qui le mentionnent dans les commentaires de Steam, qui sont des gamers, encore une fois, pour faire le jeu de mots. Puis ils vont vraiment utiliser ce terme-là. Donc je pense que ça devient intéressant de voir, en fait. Il y a comme une espèce de communauté, je pense, qui se crée, puis de vouloir partager ça. C'est ça, vouloir partager ça tout le monde ensemble, en fait. Un élément que moi j'avais beaucoup aimé quand j'ai joué à Coming Out on Top, c'est comme le titre l'indique, ça commence avec un coming out. Puis je pense que ça s'enligne super bien avec ce que Samuel dit justement de tu commences et un coming out c'est super banal, tout le monde est comme ah d'accord, on comprend, c'est bien. Donc je pense que ça s'aligne aussi bien, puis c'est une mention qui est intéressante, c'est que ça commence avec une expérience queer qui est assez assez répandue. Il y a comme un aspect, deux choses que j'aimerais mentionner. Il y a un aspect que il y a une mise en forme très délibérée de l'humour, ça joue avec plusieurs rythmiques différentes de l'humour. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des jeux de mots, on a de la comédie de situation, on a aussi des gags visuels dans le jeu, on en a peut-être pas autant, mais tu sais, on peut se ramasser en train d'avoir une relation sexuelle avec son poisson rouge. Ça sort vraiment de nulle part, puis on a même une photo en fait qui nous montre ça. Alors tu sais, c'est ça, c'est un jeu qui est pornographique, on voit beaucoup de photos justement vraiment pornographiques, puis là on se ramasse à avoir une photo d'une relation sexuelle avec le poisson rouge, fait que c'est quand même assez surprenant là. Quelque chose que je retiens de ce que tu me dis par rapport à Coming Out on Top, c'est que ça a l'air d'être un jeu qui se passe dans la joie. Ça a l'air d'être assez important. Samuel, c'est impossible de mourir, je pense. C'est un visual novel, il y a pas vraiment non, de fin hyper dramatique. On peut mourir. Ah oui? On peut mourir, puis encore une fois, ça devient une forme d'humour. En fait, quand on tombe en amour avec notre poisson rouge, si on refuse de continuer cette route-là amoureuse, notre poisson rouge va nous tuer avec un fusil. Puis on a encore une fois une image, là, le artwork qui nous montre ça. Une autre façon qu'on peut mourir, noyé quand on est en train de s'entraîner avec Phil. Mais ça, c'est pas vraiment drôle. Un autre élément qui est peut-être drôle ou en tout cas pessimiste, c'est... quand on fait la route de Brad, il est un joueur de football, donc il veut au début qu'on triche, qu'on écrive les essais pour lui. Si on lui dit non, qu'on va écrire un article dans le journal étudiant puis le dénoncer, on peut faire ça. Puis là, on va se faire tuer. Il y a comme une espèce de quelqu'un là de l'équipe de football ou tu sais c'est comme l'idée d'équipe de football riche là les grosses universités aux États-Unis qui viennent nous tuer dans notre sommeil. C'est pas nécessairement drôle, mais en tout cas, c'est quand même drôle. C'est intéressant qu'il y ait ce genre de critique-là, peut-être, dans le jeu un peu cynique, en fait. Là. Il profite un peu de ce moment glauque-là pour parler de quelque chose de particulier, d'un pan de la société américaine, j'imagine. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je vais finir là-dessus, par ça, je vais laisser Laurie. Mais, tu sais, je pense que Coming Out on Top, c'est un jeu drôle, etc., mais il y a quand même des éléments... Tu sais, justement, le coming out, dans le jeu, on va quand même parler à nos parents de notre coming out à un certain moment. Puis c'est une conversation qui est peut-être un peu plus, je vais dire lourde, mais je veux pas dire lourde d'une manière négative, mais tu sais, qui est pas quelque chose de drôle, mais qui se déroule très bien. Au début du jeu aussi, Mark, il nous dit, donc, on commence en faisant, comme Fabien disait, notre coming out, mais on peut choisir une autre option dans les dialogues pour pas faire notre coming out. Puis si on fait ça, là, il va avoir le quatrième mur va se briser, puis là, Mark va s'adresser directement au joueur en disant « Non, non, mais là, je suis prêt à faire mon coming out, fait que, tu sais, fais-moi le faire. » Puis là, si on refuse encore, le jeu va complètement recommencer du début, fait qu'on n'a pas le choix. Fait qu'il y a aussi ça, je pense, qui est intéressant dans le jeu de... qui est un peu plus sérieux, en fait. Oui, c'est pas tout à fait aussi joyeux, mais il y a un jeu quand même, vous le connaissez peut-être, ça s'appelle Hatoful Boyfriend, où on date des pigeons. En fait, c'est la prémisse du jeu, puis évidemment, tu sais, c'est tellement loufoque, tout est lié un petit peu avec les oiseaux, mais il y a une histoire un petit peu plus glauque par contre, lorsque on termine la première partie. Mais ça aussi, ça fait partie de l'univers, je pense. De jouer avec le concept, comme ok c'est du date, mais parfois ça peut être des monstres, ça peut être des pigeons, puis c'est ça qui est le fun aussi, de faire découvrir un petit peu notre corpus. Ben comme Carl disait avec Dream Daddy, c'est comme ça sortait tellement un peu du jeu typique que les YouTubers ont fait comme hey, c'est quoi cette chose là étrange qui, puis ça popularisait en fait un titre qui, ben, selon Carl, est très banal. Mais Hatoful, c'est un peu le même principe. C'est comme, quoi? Ça a pas d'allure, tu dates des pigeons. Puis ça aussi, ça fait exploser sa popularité. Ouais, dans le cas de Hatoful Boyfriend, c'est... Il y a l'idée du mystère qui est comme vraiment présente, de comme, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis c'est aussi une autre tu cartographies un peu comme le mystère du jeu, essentiellement. Je me posais la question sur la représentation des hommes dans Coming Out on Top. Je suis pas quelque chose avec lequel je suis particulièrement familier. J'ai une couple d'expériences avec la représentation dans les médias homosexuels, mais c'est des films que mon ami avait dans son club vidéo, comme Bear City 1 et 2, que j'ai pas regardé, mais je trouvais que ça avait de l'air quand même drôle, puis pas très bon. Je sais pas si... Fait que j'ai quelque chose de très limité. Je sais pas si tu pourrais nous en parler un peu plus, Samuel? Ouais, ben dans Coming Out on Top, j'avais travaillé un peu aussi sur la représentation, c'est ça, du corps en lien avec la figure du beefcake. Puis un peu davantage aussi en lien avec l'érotisme puis la pornographie, là. Tu sais, le beefcake... En fait, moi, j'aime ça mettre un peu Coming Out on Top en parallèle avec le beefcake. C'est quoi le beefcake, là? C'est principalement associé au travail de Bob Mizer aux États-Unis dans les années 50. Donc Bob Mizer, c'est un photographe queer. Il a fondé l'Athletic Model Guild, qui était une espèce de ligue ou là, une ligue de mannequins hommes. Et ensuite, il a fondé le magazine Physique Pictorial en 1951. Là, en quelques années, Bob Mizer s'est fait connaître pour ses films, puis surtout des photos qui montraient des jeunes hommes musclés qui étaient presque nus, hein, qui portaient uniquement des bretelles, donc les fameuses posing straps qu'on voit dans le bodybuilding, portaient un pagne ou, bon, un maillot de bain. Et là, en fait... Quand on regarde ça, tu sais, on peut penser peut-être à l'idée d'hypermasculinité, de masculinité hégémonique. Donc, on voit la force physique, les prouesses, la domination. On voit quand même les hommes en train de faire de la lutte, des sports plus physiques sur les photos, en fait. Un peu comme les autres magazines. Donc, je veux dire, il y a l'aspect prouesse, force physique qu'on voyait un peu dans d'autres magazines de fitness à l'époque, qui étaient achetés par les hommes hétérosexuels. Mais le beefcake, c'est intéressant parce que ça va un peu plus loin que ça. Il y a toute la question de l'ambiguïté du beefcake. Le beefcake qui est conscient de sa virilité, mais qui a souvent un sourire complice, tu sais, un sourire presque coquin. Là, on est vraiment dans le flirt. Faut savoir aussi, physique pictorial à l'époque, c'était principalement acheté par des hommes homosexuels. Et donc, un de mes arguments, c'est ça, avec Coming Out on Top, c'est de dire que le beefcake, on le voyait dans les années 50, 60, mais on le voit maintenant, on le voit partout, en fait, on le voit dans les magazines de, tu sais, style de vie, les magazines gays, on le voit dans l'industrie de la musique. Tu sais, pour moi, quand je pense à Imagine Dragon, le chanteur, là, ça en est un exemple de beefcake. Surtout qu'il chante maintenant en BDN, des fois, avec le drapeau arc-en-ciel. Et donc, mon point, c'était de dire, en fait, que le beefcake, on le voit aussi dans Coming Out on Top. Puis on le voit dans de plus en plus de romans vidéoludiques, simulateurs de drague, qui s'adressent à un public d'hommes, en fait. Après ça, là, je vais laisser Carl parler, je pense, puis je vais finir ensuite. Ben, c'est en lien directement avec ce que la question et ce que tu viens de dire, Samuel. Donc, moi, je l'ai vu Bear City, je pense que c'était le 2. Et donc, j'ai pas de gêne à dire que c'était insupportable. Et c'est pas juste pour faire un coup de gueule, c'est pour comparer cette représentation-là de certaines réalités. Donc, c'est quoi un ours dans la culture homosexuelle, un bear? C'est pas le beefcake, c'est une variation de l'hypermasculinité, mais où la corpulence est tout à fait admissible et même désirable, et la pilosité. Donc, des traits qui sont associés à l'hypermasculinité aussi, et ça va là, pour les fans de Bear City qui nous écoutent, là, je veux pas vous faire trop de pépines. Je veux juste vous dire que dans un jeu de type visual novel comme Coming Out on Top, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre dans la représentation et de flexibilité, que ce soit au niveau des blagues cochonnes. Tu sais, Bear City doit viser un public large. Il y a un grand budget de production pour un film qui s'adresse à des homosexuels. Donc, les blagues vont être un petit peu attendues, convenues. Il y aura pas de sexualité explicite, bien sûr, parce qu'on pourrait pas se permettre ça dans un média populaire comme le cinéma, dans un film qui est distribué dans des festivals grand public. Et donc, ils font du mieux qu'ils peuvent pour satisfaire un large public. Parce que le budget de production exige de viser le plus large public possible pour rentabiliser un film comme celui-là. On s'adresse à 10% et moins de la population, donc il faut miser sur ce qui est consensuel dans la représentation des gens, l'humour, la représentation de la sexualité. C'est le grand intérêt des visual novels queer, il me semble, c'est qu'on a une marge de manœuvre, une liberté créative absolument phénoménale. Ça coûte beaucoup moins cher à produire. Et Coming Out on Top est un excellent exemple où justement on peut avoir des blagues qu'on retrouverait jamais sur un écran de cinéma dans Coming Out on Top. On peut avoir une représentation de la sexualité, de certains fétiches, de certaines réalités très humaines, finalement, très banalement humaines, mais qui sont encore marginalisées. Mais on peut se permettre de les représenter à travers ce système ludique-là. Et j'oserais dire que ce sont des représentations beaucoup plus satisfaisantes, beaucoup plus jouissives dans tous les sens du terme. Il y a des gens qui jouent à ça sans se toucher, là, je vais être clair. C'est pas parce que c'est des jeux pornographiques que tout le monde les consomme d'une manière pornographique. Il y a des gens qui vont y jouer strictement pour le plaisir de l'écriture, des blagues, de la finesse de la représentation. Et moi, j'aimerais entendre Samuel là-dessus. Moi, ce qui m'a marqué en jouant à Coming Out on Top, c'est que à travers Brofinder, notamment à travers la culture Grindr qui est comme évoquée, on est quand même amené à apprendre à parler avec des gens de leur sexualité d'une manière qui me semble hyper respectueuse comparativement à ce qu'on a dans tous les autres médias linéaires comme le cinéma, la littérature. Si tu choisis l'option la plus directe pour, pardonnez-moi l'expression, se carrer, tu vas pas nécessairement avoir la fin la plus désirable à ce moment-là. Quand les gens vont s'ouvrir à toi pour essayer de te parler de leur fantasmatique ou de leur désir, t'as des options de comment tu pourrais essayer de t'engager dans une conversation respectueuse avec une personne qui te parle de cette manière-là. Et c'est souvent ça qui va mener au trophée, entre guillemets, à la récompense. Et moi, j'ai été impressionné par la qualité de la simulation de l'écoute et de la conversation. Et je disais au début ben, il y a 4 semaines, je disais, pour maintenir l'illusion, donc il y a 4 semaines, on parlait de simulateurs de conversation, que certains des jeux de type visual novel commencent à adopter cette étiquette-là. Moi, j'espère que c'est l'étiquette qui va passer à l'histoire, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la modélisation de l'écoute et de la parole respectueuse dans le visual novel. Samuel, je sais pas si toi, ça t'a marqué autant que moi dans les dates de Brofinder dans Coming Out on Top, mais c'est tellement plus respectueux que des films que j'ai vus, que la réalité surtout. C'est tellement une utopie communicative. Je sais pas ce que t'en penses, Samuel. Ok, ben là, il y a beaucoup de trucs que je veux dire, mais là, c'est un peu éparpillé. Je suis d'accord pour Coming Out on Top. Ben, pour moi, c'est quelque chose qui ressortait, je pense, c'était peut-être l'idée de consentement, là. Je trouve que toutes les relations sexuelles dans le jeu, peut-être pas autant... Fabien, tantôt, tu mentionnais When the Night Comes. J'ai pas joué, mais tu disais, même si on n'a pas de relation sexuelle, on peut quand même continuer l'histoire amoureuse. Coming Out on Top, c'est quand même pas comme ça. Mais on peut quand même... Quand il y a des relations sexuelles, on peut décider que non, on veut pas avoir de relations sexuelles. La route va se terminer, mais c'est quand même une possibilité. J'avais joué à Full Service, qui en tout cas sorti en 2020, puis c'est Herculean qui a fait ça. Puis on se ramasse dans des scènes où là, on n'a pas le choix d'avoir des relations sexuelles. Donc il y a pas le consentement en fait est mais notre personnage est tellement idiot dans ce jeu-là que il se laisse, tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est compliqué à expliquer là, mais on se ramasse dans des scènes de relations sexuelles que c'est vraiment ça, moi, je voulais pas avoir de relations sexuelles avec ces personnages-là, pis c'est comme si j'ai pas eu le choix parce que j'avais pas la possibilité de ne pas avoir de relations sexuelles. Donc, Coming Out on Top, c'est intéressant, oui, pour la question du consentement, le respect, ça, ouais, je suis vraiment d'accord. Puis aussi, comment que ça représente différentes fantaisies, ça dit-tu fantaisie? Fantasy, en tout cas, ça, je veux dire, là, je pense au bondage, bon, tantôt, on a mentionné le sexe dans l'ascenseur, mais en tout cas, il y a différents fétiches, tout ça, c'est intéressant. Après ça, au niveau, peut-être pour retourner à l'hypermasculinité, la représentation du corps, tu sais, je trouve que le jeu est quand même limité dans la représentation du corps, au sens où, bon, c'est tous des personnages, bon, il y a peut-être une exception, là, mais c'est des personnages qui sont musclés, qui sont minces, qui sont able-bodied, puis qui sont cisgenres. Fait que, tu sais, il y a quand même ça qui reste très masculin, on est quand même dans une forme de hyper-masculinité, masculinité hégémonique, quand on s'intéresse à la représentation là, visuelle. Après ça, quand j'analyse Coming Out on Top, j'aime ça parler de hyper-masculinité queer, parce que, tu sais, quand on pense à l'hyper-masculinité, bon, il y a l'aspect physique, les muscles qui deviennent, on représente la force physique, tout ça. On pense aussi, moi je pense toujours à Duke Nukem, là, qui est peut-être le symbole hyper-masculin dégueulasse par excellence, macho, tu sais, qui avec des personnages féminins sexualisés, puis tu sais, qui rabaisse, ou en tout cas ne respecte pas les femmes dans le jeu. Et Coming Out on Top, le muscle est vraiment différent. On est dans le muscle qui est un turn-on homo-érotique, donc une manière d'attirer à la fois le joueur, le gamer, et à la fois les autres personnages du jeu. Donc le muscle est pas là pour représenter la force physique, mais vraiment esthétique. Puis sinon, d'un point de vue des comportements des personnages, ben, comme j'ai mentionné, comme tu disais, Carl, on est plus dans le respect. Mais aussi, l'hypermasculinité queer, je trouve que c'est intéressant. Il y a quand même deux personnages, Phil qui est dans l'armée, puis qui est quand même gay, puis il y a Brad aussi qui est joueur de football. T'sais, en plus, il joue la position quarterback, c'est vraiment une position prestigieuse quand on pense aux films d'ado. C'est comme le gars, aux films d'ado aux États-Unis, le gars hyper masculin avec lequel les filles tombent en amour, etc., qui est confiant aussi. Ouais, mais Brad, il va rester dans le placard toute sa vie, là, on s'entend, Samuel? Ben, il le dit à son frère, là, je suis pas d'accord. Ah, c'est vrai, il le dit à son frère, mais tu sais, clairement, t'es en train de séduire quelqu'un qui s'identifie pas comme homosexuel. Il va t'ouvrir la porte, là, mais je veux dire, clairement, c'est quelqu'un qui semble pas avoir beaucoup d'espace pour vivre sa bisexualité. Supposé. Mais je suis pas tant d'accord, parce que il dit à son frère, en fait, puis à la fin du jeu, on a quand même l'image de Brad qui embrasse Mark sur le terrain de football. Alors, ah, je n'ai pas eu ça. Je connais pas cette facette-là du personnage. Brad, c'est le meilleur personnage du jeu. C'est mon préféré. en tout cas, je trouve qu'il est très intéressant. Puis ce que je voulais mentionner, c'est ça, c'est qu'au début, Brad veut pas faire ses essais. Là, il essaye, on le paye, puis là, on fait ses essais pour... Il nous paye, puis on fait ses essais pour lui. On écrit ses travaux scolaires. Moi, au début, je voulais tellement sortir avec que je le faisais. Finalement, j'ai eu la mauvaise fin à cause de ça. Fait que finalement, tu sais, pour que ça fonctionne, il faut qu'on aide Brad à écrire ses essais par lui-même, puis qu'on lui redonne confiance en lui, parce que finalement, il peut être super bon à l'école, c'est juste qu'il manque de confiance. Alors, on est quand même assez loin, je dirais, du jock hyper masculin. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire, là. Ouais, c'est comme ça subvertit les attentes que t'as envers ce type de personnage-là, en fait. Ouais, c'est ça. C'est super intéressant. Moi, j'ai clairement pas travaillé Brad en profondeur comme Samuel a pu le faire en explorant son arbre de possibilités. On va peut-être juste terminer avec une couple d'affaires. Je sais pas si... parce que j'ai dans mes notes, je me rappelle plus exactement ce que ça veut dire. J'ai la lecture réparatrice puis lecture paranoïaque. Je sais pas si t'as des affaires à mentionner là-dessus. Puis le bleed aussi, l'influence sur le joueur. Ouais, mais je peux peut-être mentionner le bleed en premier parce que c'est peut-être plus facile, mais... le bleed, en fait, c'est quand les pensées et les sentiments d'un personnage de jeu, donc on pourrait dire le protagoniste, Mark, dans ce cas-là, influencent ceux du joueur. Et vice-versa. Et donc là, il y a une réduction de la frontière entre la réalité et la fiction. Et en fait, ce qui est intéressant, le bleed, quand on pense au visual novel, en fait, c'est qu'en tant que joueur, on peut, dans une certaine mesure, tomber en amour avec d'autres personnages, ou tu sais, en tout cas, avoir de l'affection, avoir éprouvé des sentiments pour eux. Tu sais, quand je disais tantôt Brad, c'était mon personnage favori, ben tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a une forme de bleed. Puis je pense dans Coming Out on Top, en fait, c'est quelque chose qui est possible à cause, entre autres, de l'humour. Ça fait en sorte que les personnages sont attachants, sont mémorables. On les voit pas seulement comme des objets sexuels, tu sais. Puis il y en a d'autres, visual novel, simulateur de drague, où il y a pas d'humour, puis où l'histoire est vraiment plate. Puis dans ce cas-là, ils deviennent des objets sexuels, puis c'est pas du tout la même relation qu'on développe avec les personnages. La question de lecture réparatrice, lecture paranoïaque, c'est parce que je mentionne ça tout le temps ces temps-ci, là. Mais c'est ça, en fait, j'en ai peut-être déjà un peu parlé indirectement quand on pense à l'espoir radical. En fait, c'est deux termes qui viennent de Yves Kozowski-Sedgwick, qui s'était intéressé aux études queer. Puis la lecture paranoïaque, c'est le terme qu'elle utilise, là, mais c'est une lecture qui est très critique, tu sais. Moi, je pourrais jouer, en tant que chercheur, je pourrais... Ben, chercheur, là. Ça fait bizarre de dire ça, là, mais en tout cas, voilà, jeune chercheur... En apprentissage, je pourrais, tu sais, analyser Coming Out on Top puis dire, ah, ben, ça, c'est, tu sais, voir beaucoup de négatifs. Avec la, si je prends une position qui est peut-être plus réparatrice, c'est de voir, en fait, comment Coming Out on Top peut me faire du bien en tant que joueur, puis écrire sur Coming Out on Top peut-être d'une manière aussi qui est plus positive. Fait que, en fait, c'était ça. Puis moi, dans le fond, ce que j'essaie de faire, c'est peut-être un petit peu les deux, mais je pense que je suis plus dans la lecture réparatrice, parce que Coming Out on Top, c'est un jeu qui m'a fait du bien, finalement. C'est excellent, ça. Juste, Coming Out on Top, il est sorti quand? Il est sorti en 2014. Là, maintenant, il est disponible sur Steam aussi, puis c'est intéressant qu'il soit disponible sur Steam, vu que c'est quand même une plateforme assez mainstream. Je pense qu'il est disponible sur Steam depuis 2017 seulement. Avant 2014, c'était sur le site de la conceptrice, en fait. Quelque chose d'intéressant, donc j'avais pas réalisé que c'est surtout donc une conceptrice, et donc c'est un peu le même phénomène dont on a parlé avec Laurie, c'est des femmes qui soit fréquentent des homosexuels ou se projettent dans ces réalités-là et sont tellement fascinées qu'ils en font des œuvres, là, carrément. Ouais, Coming Out on Top, puis c'est ça, Obscura Soft, vu que c'est un nom un peu, on sait pas trop, t'sais. Mais oui, j'avais lu une entrevue, puis elle veut pas vraiment donner beaucoup d'informations, mais ce qu'elle dit d'elle, c'est que c'est une femme, puis une femme d'un certain âge. Puis les corps qui ont été représentés, c'est des corps que elle trouve sexuellement attirants. Après ça, il y a quand même eu, elle a quand même été en contact aussi, je sais, avec la communauté, avec les joueurs, parce que justement la scène de coming out dans le jeu où on parle à nos parents, à un certain moment, elle l'avait retirée du jeu, puis là les joueurs lui ont écrit puis lui ont dit non, que cette scène-là était importante pour eux, qu'elle les avait aidés, fait que là elle l'a réintégrée. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, ouais, après ça, il y a toute la question. Moi, personnellement, tu sais, Coming Out on Top, c'est un jeu que j'aime, puis que ça soit une femme qui l'a designé, ça... C'est sûr que c'est une question intéressante qu'on peut se poser. Moi, j'aime, tu sais, ça change pas grand-chose, je dirais, à mon expérience de jeu, parce que j'ai l'impression, dans ce contexte-là, que c'est fait dans le respect, mais, ouais. Moi, ça me permet d'insister peut-être sur le dernier point, c'est que... N'importe qui peut avoir du plaisir avec ce jeu-là. Je l'ai vendu à mes étudiants, mes 150 étudiants à la session d'automne en jeu vidéo. Je pense que tout le monde pourrait avoir du plaisir. Oui, il y a des scènes pornographiques, puis il y a des gens qui vont vouloir éviter ça, probablement. Et ça serait intéressant de voir comment ils jouent au jeu, pour pas nécessairement aboutir là, mais explorer les facettes des personnages. Et surtout rire, parce que c'est un jeu qui est surtout notable pour la grande qualité de son écriture humoristique. Donc moi, c'est pas juste des femmes qui peuvent jouer de ce jeu-là. J'ai envie d'inviter tout le monde là, à aller jeter un œil parce que c'est vraiment un des jeux les plus drôles de l'histoire du jeu vidéo. Ben excellent, on va aller regarder ça. J'ai pas le choix d'aller jouer maintenant. Merci tout le monde, c'était super intéressant, très plaisant. Moi, je suis comblé. Merci infiniment pour l'invitation. Donc, j'espère qu'on vous a convaincu que c'est un genre méconnu qui vaut vraiment la peine d'être mieux connu. Oui, ben c'est ça. Merci aussi pour l'invitation, c'était le fun. Puis je veux dire à la prochaine, parce qu'on sait pas, peut-être qu'on va revenir. On sait jamais. Ouais, ben merci beaucoup de nous avoir eus. Je veux dire, comme Samuel, c'est une belle formulation. À la prochaine, on espère. Oui, peut-être un autre 2 mois de conversation pour explorer d'autres facettes de ces jeux-là. On va saturer les ondes avec ce genre inconnu et mal aimé.